meant for me. When the wolves run wild, I see myself, but you won't take this road I go down. The nights grow cold, the flame goes out, living forever in a ghost town. You save me, I save you, a miracle that was meant for two. Vous êtes sur Fun Radio et là j'ai envie de vous poser une question. À votre avis, quelle est la seule émission de radio qui est déjà en top tweet sur Twitter à 6h du matin? C'est ouf hein. C'est vrai? Ah mais j'ai vu ça, c'est un truc de dingue. Ça va les copains? Ça va super bien. Avec surtout ce hashtag que personne comprend. Oui. Mais on a lancé un hashtag tout à l'heure en arrivant dans le bureau à 5h du matin, c'est le hashtag Bruno dans ton salon. Et là vous vous dites pourquoi Bruno dans ton salon? Qu'est-ce qu'on sera? Eh ben je vais vous expliquer tout à l'heure. Oh, j'ai envie de savoir moi. Eh ben tu restes ici, on va te payer un café. C'est bon. T'inquiète, tu peux rester ici. Y'a pas de problème. Tu te poses, on te fait un petit kawa, okay. Tu veux quoi? Tu veux une viennoiserie? Ouais, allez. J'en ai pas. Par contre, si tu veux une galette de riz ou des biscuits gerblés qui n'ont pas de sucre, on a ça. Ouais, je savais que tu dirais non. Bon, les amis, on a une grosse émission prévue ce matin avec une très très grosse surprise en cerise sur le gâteau. Je vous explique ça dans quelques secondes. On va attaquer l'émission avec Aloha, c'est Môme. Un de mes chouchous du moment, Môme. Première diffusion ici, c'était sur Fun Radio. Je vous ressors Britney Spears, Work Bitch. Histoire de vous dire qu'il faut aller bosser, bitch. Je vais pas traduire. Il y a du cadeau pour vous. Vous pouvez appeler maintenant le 3228. 3228 où toute l'équipe vous attend au standard. Il y a Loosman qui est déjà là, ça va Loosman? Ouais. Il y a Méluche qui est là, ça va bien? Ça va bien. Il y a Mathilde qui est là. Pour vous dire que cette émission marche, il y avait 15 standardistes au début, maintenant ils sont 3. Tout le monde peut vous accueillir 3228 pour gagner entre autres votre iPad mini 4 ou votre GoPro. Tout ou gagné, tout ou perdu là dans moins de 10 minutes. On arrive chez vous après les infos, le temps de faire un bisou à Rémi. Bon week-end, bisous. Ciao, ciao. Fun Radio. Le son. Flow. Justine Salmon, toute de tricolore, coiffée, ouais. Un peu comme tout le studio. On a tous mis un petit truc bleu, blanc, rouge, ambiance Euro 2016. Bonjour ma Juju. Bonjour mon Bruno, bonjour à tous. On va commencer avec la météo. Ouais. Est-ce qu'on regarde le match de foot ce soir au chaud à la maison ou dehors, ambiance barbecue ou terrasse? Enfin quoi que non, terrasse de café, on n'a plus le droit. Mais on peut regarder un peu dehors ou pas? Bah, ça dépend où vous vous trouvez, clairement. La France sera partagée en deux sur la moitié est. Ce sera du soleil ou des éclaircies. Sur la moitié ouest, moins de chance avec des nuages et de la pluie. Les températures de 10 à 16 degrés ce matin. Cet après-midi, on attend 17 à Caen, 21 à Bayonne, 22 à Lille et 24 à Paris. Et un petit coup d'œil sur notre week-end qui ne sera pas dingue. Un sale temps sur les trois quarts du pays. Ce sera mieux dans le sud de l'Aquitaine et la région PACA. On y est, on l'attend depuis plusieurs années. C'est ce soir le coup d'envoi de l'Euro en France. La cérémonie d'ouverture va se faire avec David Guetta. Et à 21h, on suivra tous France-Roumanie. Et on a été vous demander votre pronostic sur les Champs-Elysées à Paris. Moi, je vois bien un petit 2-1, parce qu'ils sont fébriles en défense. 2-0, soyons positifs. 3-0 pour les Bleus. Moi, je dirais 2-1, parce que la Roumanie, quand même... La France va gagner avec minimum 3 buts d'écart. Griezmann va marquer, Pogba et je pense Payet. On va gagner 10-2, Koscielny, Varane et Benzema. Oui, bien sûr, on croise les doigts donc pour ce soir. Rendez-vous à 21h pour France-Roumanie. Et restez là puisque Bruno va vous annoncer une petite surprise. On espère en tout cas que la fête ne sera pas gâchée par les mouvements sociaux. La grève SNCF continue. Les conducteurs des RER B et D comptent perturber l'acheminement au Stade de France ce soir. Chez Air France, la grève débutera demain. Et les éboueurs sont également en colère. Les poubelles s'entassent à Paris et dans le sud de la France. Enfin, l'établissement français du sang lance un appel. Toute la semaine prochaine, 300 lieux de collecte vous accueilleront partout en France. Vous retrouvez toutes les infos sur jedonnemonsang.net. Il est 6h03 et c'est Bruno dans la radio. Bon réveil sur Fun. Bruno on Fun Radio. Vendredi, c'est le 10 juin, c'est Fun Radio que vous écoutez, il est 6h04, bonjour! Bienvenue sur la première radio Dance Floor de France, vous avez choisi Fun Radio, bienvenue, vous faites partie de la famille. On va attaquer l'émission avec Moom, Britney Spears qui arrive dans quelques secondes. Oh, quel beau studio, quelle belle équipe aujourd'hui, alors je sais... Il y a des gens qui vont dire, mais moi le football j'en ai rien à battre, moi ça va me saouler pendant un mois, mais je peux comprendre ça. Mais en même temps, il faut comprendre l'envie de se réunir, l'envie de fêter un truc, l'envie de boire des coups même si on regarde pas le match. Voilà, c'est ça aussi l'esprit de l'Euro 2016. Et on a tous besoin de faire la fête, bien franchement. Sûr, surtout en ce moment. Alors, tout le monde dans l'équipe a mis soit un maillot de l'équipe de France de foot, soit un petit truc bleu, blanc, rouge. Oui. Il y a du diadème, il y a des choses. Il y a Christina qui a mis son petit drapeau qui est là. Ça va, Macri ? Oui, et alors si tu remarques, j'ai mis un jean blanc, j'ai mis des baskets blanches et rouges et un petit t-shirt rouge. Voilà, et j'ai les yeux bleus. Ça fait bleu, blanc, rouge. Vacher, il est bien. Et on l'a mis tous les deux. Il est bien ce nouveau maillot de l'équipe de France. Franchement, ouais, j'aimerais bien. Alors, vous dites peut-être, mais c'est bizarre que Vacher, il ait acheté, tu vois, un maillot de l'équipe de France, quand même, c'est non, cher, non. Etc. Non, non, je l'ai emprunté à un mec qui bosse ici. Et il m'a dit, tu me le rends sec. Je te le rendrai. Après, il est beau, il sec, est beau. On verra. Elliot, c'est l'ancien modèle ? Ah non, attention, vous avez le maillot extérieur, donc qui est blanc, t'as pas précisé, donc ouais. Qui est plus beau, je trouve, que moi, qui est le maillot domicile, le maillot bleu. D'accord, ok. D'accord. Alors, le maillot à domicile, ils vont le jouer comment ? Puisqu'ils vont jouer quoi qu'il arrive à domicile, c'est en France, l'Euro 2016. Ouais, mais moi je comprends pas leur truc. Genre, s'il y a une équipe blanche, ils tirent à pile ou face. Et d'accord, puis ils jouent en bleu. Enfin, c'est des trucs chiants de footballeurs. Professionnels ah ouais, de foot. C'est la vraie explication, je crois. Ouais, je suis allé voir sur Wikipédia, ils ont dit ça. Ouais, c'est des trucs chiants de footballeurs. Peut-être ouais. Que moi, mon seul kiff là, que j'ai eu aujourd'hui avec ce maillot, c'est que j'ai mis un taille S. Quel ah ouais. Oh là là. Et je peux vous dire que rentrer dans du small, ça fait plaisir. Bon, ce matin. Je voudrais vous féliciter, auditeurs de Fun Radio. Et pourquoi je voudrais vous féliciter ? Puisque numéro 1 en top tweet France, il est 6h06. Numéro 1 en top tweet France, il y a ce hashtag mystérieux que nous avons lancé à 5h, le hashtag Bruno dans ton salon. Et là, vous vous dites, mais Bruno dans ton salon, est-ce que ça voudrait dire que Bruno serait dans mon salon ? Ah ah ! Nous sommes vendredi, nous sommes le 10 juin, c'est l'ouverture de l'Euro. Et comme beaucoup de Français, nous avons envie de regarder le match de foot ce soir. Et c'est un truc qu'on a envie de faire entre potes. C'est un truc qu'on a envie de faire en famille. On a envie d'être derrière l'équipe de France de foot. Et puisque vous faites partie de notre famille, eh bien on a décidé quelque chose. Ce soir, le match de foot, on vient le voir chez vous. Et je lance le hashtag Bruno dans ton salon. Attention, quand je dis on vient le voir chez vous, c'est pas genre moi, Christina, Vacher, Elliot, basta. On débarque toute l'équipe de Bruno dans la radio chez vous. On gère la bouffe. soit de la pizza, vous avez un barbecue, on s'arrange au boucher du coin pour acheter des merguez, des chipots et des chips, d'accord. Mais ce soir, au coup d'envoi de France-Roumanie, l'équipe de Bruno sera dans ton salon. Formé. Et ce qui est énorme, c'est qu'on est tous venus avec notre valise ce matin, mais on ne sait pas où on part. Et on ne sait pas où on part. Voilà. On a une seule contrainte, c'est qu'Eliott et moi, à 2h du matin, faut qu'on soit à Nantes. Ouais, voilà. C'est la seule contrainte. Mais bon, après, la France, on peut tout faire. Ouais. On peut se démerder, on peut trouver un hélico, un truc. Le patron de Fun nous a dit, je vous donne full crédit. Mais ce soir, si vous voulez, on débarque chez vous. Alors, je vous cache pas que toute l'équipe de Bruno dans la radio, on est une dizaine. Ah oui, oui. Donc, il faut avoir un salon où on peut s'asseoir. Ouais. Après, la taille de la télé, je m'en branle. Au pire, si vous avez une petite télé, on est trop nombreux, on peut s'arrêter au Confo ou au Boulanger du coin et on vous achète un grand écran. Et puis, au pire, on s'assied par terre, c'est pas très grave. Ouais. Bon, s'il y a un jardin et un barbecue. C'est vrai que ça peut être pas mal, ça. Hashtag Bruno dans ton salon. Je tiens à vous le dire, ça n'a jamais été fait en radio. On a décidé de le faire ce matin. On va voir le match de foot chez vous ce soir. Hashtag Bruno dans ton salon, on va choisir et à 9h15, on partira quelque part, on sait pas où. Pour ceux qui auraient un doute, c'est bien sûr une idée de Vacher pour bouffer gratos ce soir. Je t'arrête. J'adore ce truc. 6h08, c'est Fun Radio, bienvenue chez les fous, on attaque l'émission avec Môme. So lover, which way have you moved? It's been a while since I've heard he's grooved. Cosmic love gave you something gold. So you wrap it all up and take it away. Suddenly it's all real. Suddenly it's how you feel. You're free now. So the unknown. Something more. Sur Fun Radio, le DJ parisien Môme avec Aloha. J'adore ce morceau. J'ai aussi des vieux sons, vous le savez, de temps en temps j'aime vous les ressortir. Le petit Britney Spears, il va faire plaisir. Dans l'heure jusqu'à 7h du matin, il y aura également Amir. Bon, Bruno dans la radio ce matin, mais et comme chaque jour, l'émission, elle est dédiée à un auditeur de la famille, un auditeur de Bruno dans la radio. J'ai oublié d'accueillir ce matin pour attaquer l'émission Julie, mais qu'on vient de fouetter ici en direct dans le studio. Applaudissements pour Julie. Bruno dans la radio. Julie, t'es dans le 7-7, Seine-et-Marne, t'habites à Ozoir-la-Ferrière. Tout à fait, oui. Ah bah, et tiens, on parlait de foot avec l'Euro qui débute ce soir. Ozoir-la-Ferrière, en 98, pour le mondial qui avait eu lieu en France, c'est là qu'était hébergée l'équipe des Brésils. Brésil, oui. Ils étaient à Ozoir-la-Ferrière. Ils le disaient Ozoir-la-Ferrière. Julie, dis-moi, tiens, et puisqu'on parle de foot, ça te sauce un peu le foot? Tu vas mater ce soir ou pas du tout? Alors, en temps normal, moi, le foot, mais alors, mais ça me passe mais au-dessus de la tête, j'en ai rien à faire. Mais ce soir, avec mon chéri, on va jouer le jeu à fond et on va carrément au Stade de France pour mater le match de foot. Ah, c'est énorme, mais t'as trop de chance. Mais alors, ça veut dire que t'as tes places et tu vas être dans le stade? C'est ça, ouais. On a acheté les places il y a 2 mois, là. Oh, c'est chambé. Oh, vous allez vous faire kiffer. Ah ouais. Parce que c'est ce que je disais, que t'aimes ou pas le football, je peux comprendre. J'entends les gens qui me disent ouais, le foot, ça me gave. Je pense aux gens qui détestent le sport, là, ouais. qui se sont tapés Roland Garros, l'Euro, le Tour de France et les Jeux les Olympiques. JO, ouais. Ouais, bah, oui. Putain, c'est un sale été. Hein. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est l'ambiance qui va autour de ça. Évidemment, mais déjà, je trouve que ça a commencé depuis hier. Tu sens qu'il y a une effervescence, ouais. Notamment dans les villes qui accueillent l'Euro. Franchement, c'est ouf. Moi, et ce soir, tu vas voir, tu vas kiffer. Forcément, tu auras le petit supporter un peu relou à côté de toi qui va être bourré à la bière. Parce que ça fait partie des poncifs. Ah, ça, c'est vrai. Ouais, ouais. Ça fait partie de l'ambiance. Quand tu regardes un match de foot, il y a toujours un gars qui se boit une bière. Et il y a toujours aussi un mec qui pense mieux connaître les règles que l'arbitre. Ouais. Moi, je sais que mon mec, il est comme ça. T'as aussi le gars qui parle aux joueurs, genre les joueurs peuvent l'entendre, genre mais non, mais la passe pas là, ouais. Mais non, mais à gauche, là, il y a Matuidi. Ouais, et Julie, c'est-à-dire, t'aimes pas trop le foot, mais. Tu vas forcément craquer sur un joueur de l'équipe de France. Parce que ça aussi, c'est un poncif. Quand tu regardes un match de foot, il y a toujours une meuf qui est en train de craquer sur un joueur de l'équipe de France. Ouais, c'est vrai. Il est beau, machin, etc. Ah. C'est un classique. Bah, j'aimais bien Valbuena, c'était seul que je connaissais. Ah bon? Il ne sera pas là. Ou si dans les tribunes à côté de toi, hein, mais c'est le seul truc. Julie, c'est ton émission ce matin. Jusqu'à 9h15, tu reviens ici quand tu veux, d'accord? Eh ben, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Je te fais de gros bisous, ma belle. Ça peut être un truc qu'on lance, ça tient. Genre quand tu regardes un match de foot, il y a toujours et vous complétez la phrase. D'accord? Ah, il y en a 1000. Il y en a 1000. 32-28. On fait de la radio ensemble ou alors vous le faites avec le hashtag. Bah, le hashtag du jour, c'est Bruno dans ton salon. Oui, Elliot. Quand tu regardes un match de foot, il y a toujours un supporter qui veut faire des trucs pas très catholiques avec l'arbitre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. ou avec sa mère. Aussi. Allez, 6h15. Fun Radio. Gabriel a 22 ans, il habite à Valence, il est chargé de développement commercial et marketing. Putain, c'est classe. Applaudissements pour Gabriel. Salut. Comment ça va, Gab? Ça va, et vous? Eh ben écoute, en pleine forme, j'espère que ça s'entend. D'autant que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais... Oh putain, c'est vendredi. Donc, autant te dire qu'on est au Takmas. Ça fait plaisir. Gabriel, mon pote, tu regardes le match ce soir ou pas? Ouais, je vais le regarder. Je vais le regarder dans un bar sur Valence. Bah oui, forcément. Ambiance entre potes, que la bière coule à flot, bah bien sûr. Bon, Gabriel, en arrivant en direct sur Fun Radio, tu viens de gagner ton iPad Mini 4. Je t'offre en plus une caméra GoPro, plus une enceinte portable Philips, plus le casque Bruno dans la radio. Ces 4 cadeaux sont à toi. Maintenant, ta mission, c'est de les garder, ces cadeaux. Et pour les garder, il faut répondre correctement à 4 questions que je vais te poser. Chaque mauvaise réponse entraînera la perte d'un cadeau. Nous sommes d'accord ? Très bien, ouais, j'ai compris. Eh ben, c'est parti. Il existe une phobie qui définit la peur du sexe masculin en érection. C'est l'ityphalophobie. C'est-à-dire que une fille qui voit un zizi tout dur et qui fait un... et qui s'en va en courant, c'est une ityphalophobe. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ouais, ça me paraît gros, vrai. Et ouais. C'est une bonne réponse. Oh, ça doit être gênant quand même. Après, il paraît que quand t'as la phobie de quelque chose, comme par exemple, tu vois, Bruno, t'avais la phobie des serpents. Ouais. Ce que t'es allé faire, dans Fort Boyard, tu les as pris dans la main, etc. C'est vrai. Et ça peut aider à ça. T'es pas un peu hippie-phalophobe, Christina? Non. T'as besoin de pratique. Il cherche pas personne dans l'équipe pour l'aider. Ouais. Gabriel, tu gardes tous tes cadeaux. Deuxième question. Ouais. La France a déjà remporté 4 fois l'Euro de football. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Faux. Combien de fois d'après toi? 3. Non, 2. En 2000, c'est le plus proche de nous. On se souvient le but en or de David Trezeguet en finale face aux Italiens. Et en 1984 avec la bande à Michel Platini, à Platoche. Tu gardes tous tes cadeaux. Troisième question. Lorsqu'on se gratte, ça nous soulage, non pas car la démangeaison n'est plus là, mais parce que la légère douleur que provoque les ongles, ouais, les ongles quand on se gratte, ça court-circuite le message de démangeaison envoyé au cerveau. Je crois que je viens de lancer la question la plus chiante du monde. Je voudrais saluer Anthony Vosovic, qui est le rédacteur en chef de cette émission. Mec, tu viens de battre le record de la question la plus dure à lire à 6h20. Vraiment. Gabriel, d'après toi, c'est vrai ou c'est faux? Pour moi, je pense que c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ah, de toute façon, ouf. Quand la question est chiante comme ça, c'est que c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Dernière question, tu as tous tes cadeaux en main. La première machine à faire des pop-corn, elle date de 1693. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ouais, c'est poussé, donc je dirais vrai. Mais non. Ah, c'est dommage. Merde. Non, c'est 1893, ce qui est déjà assez vieux. Les pop-corn en 1693, ils s'en faisaient rarement, parce qu'il n'y avait pas de film de toute façon. Ouais, c'est ça. Bon, il y a la GoPro, il y a l'enceinte, il y a le casque, c'est déjà pas mal, c'est pour toi. Merci, la famille, merci. Merci beaucoup. On t'envoie ça vite, mon Gabriel. Bah merci, ça fait plaisir. Passez une bonne journée. Bonne journée à comme toi. Ça, la famille. Et bah tu sais quoi, on va continuer. On va continuer à ambiancer la France ce matin parce que c'est vendredi, parce que la France est bleu, blanc, rouge et parce que ce soir, nous serons la seule équipe de radio à débarquer chez vous. Vous voulez mater le match avec des potes, avec la famille? Eh ben, on vient. Il suffit juste que vous tweetiez avec le hashtag Bruno dans ton salon. On s'occupe de tout. On emmène les pizzas, si vous voulez des pizzas. On emmène les merguez, si vous voulez faire un barbecue. On peut même acheter le charbon. On s'occupe de tout. On débarque chez vous. Hashtag Bruno dans ton salon. La radio numéro 1 sur les nouveautés. C'est Fun Radio. Benny Benassi et Chris Brown. The Chainsmokers. Galantis. Yo, what's up? This is the Major Lazer crew right here on Fun Radio. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Et voici la sélection Beansport pour cet Euro 2016 qui rentre sur le terrain. J'aperçois Alexandre Ruiz, Arsène Wenger, Darren Tullet, Marcel Desailly en grande forme, Jean-Pierre Papin, Robert Pires, Luis Fernandez, Omada Fonseca, Christophe Jorge bien sûr, et un Bruno Cherou très motivé. Ce soir, coup d'envoi de l'UEFA Euro 2016 avec le match France-Roumanie en direct sur Beansport. Et jusqu'au 10 juillet, vivez tout l'UEFA Euro 2016 sur un plateau avec Beansport. Faites l'essai, c'est sans engagement. Voir conditions sur beansport.com. Salut, moi c'est Luc Aplat. Oui, bon je sais, et en plus on me traitait de dégonflé. Mais c'est fini tout ça. Hier, Solange, c'est ma copine, m'appelle paniquée. Je viens de crever. Elle me dit, t'as une bonne voix pourtant. Mais non, idiot, un pneu. Console-toi, j'ai dit. Chez Citroën, du 9 au 11 juin, c'est porte ouverte à pré-vente avec moins 50% sur le deuxième pneu acheté. Et en plus, tu peux prendre rendez-vous en ligne. Oh, mon Luc Aplat, tu me regonfles. Qu'elle a fait. Merci, Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Offre réservée aux particuliers repose dans le réseau participant. Conditions sur citroën.fr. Citroën. Alors, la table, c'est bon. La déco, nickel. Le gratin, ça cuit. Eh ben, parfait. Il manque plus que les invités. Ah ouais, c'est tes amis qui mangent debout qui viennent. Gna, mes amis qui mangent debout. Non, mais j'ai que 4 chaises, alors... Eh ben, t'as peut-être pas assez de chaises, mais t'as pas mal de voisins, non? Je vois pas le rapport, là. Allovoisin.com. Location de matériel pour la maison, le bricolage ou le jardinage. Demandez simplement sur allovoisin.com et vos voisins vous répondent en temps réel. Allovoisin.com. C'est très utile, un voisin. Et si vous deveniez paysanologue? Tout le monde parle de cépage. Mais qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, le cépage, c'est la variété du raisin. Noir ou blanc, plus ou moins sucré. C'est le raisin qui détermine le type de vin. Les vins du Pays d'Oc sont des vins de cépage, c'est-à-dire que l'on sait quel raisin est à l'origine du vin. C'est simple. Et comme les vins du Pays d'Oc proposent 56 cépages différents, il y en a forcément pour tous les goûts. Pays d'Oc, indication géographique protégée. Un signe officiel de qualité à retrouver sur les bouteilles. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Jusqu'à 9h. Turn up the radio. C'est Bruno dans la radio. 6h22, vous écoutez Fun Radio. Bienvenue à tous les gens d'Europe qui arrivent en France. Hello, hello. Hello, hello. Vous êtes sur la première radio Dancefloor de France. La France, le cœur de la France, bat au rythme de Fun Radio et le bouche à bouche est donné par Britney Spears. h 26, bienvenue sur Fun Radio. Bruno dans la radio, c'est vous, au 32-28. Tiens, le chiffre du jour, vous le savez, ce soir, l'Euro commence avec le match France-Roumanie. Et alors, dans le chiffre du jour, on apprend que 77% des supporters français auront plus envie de faire quelque chose si la France gagne. D'après vous, c'est quoi ? Eh ben, encore plus envie de les supporter. Peut-être, peut-être, peut-être. Si vous avez une idée, 32-28. Tiens, et justement, c'est au 32-28 là qu'on a récupéré des auditeurs. Tout à l'heure, je disais, voilà, quand on regarde un match de foot, il y a toujours, et je vous disais, compléter la phrase. C'est par exemple, il y a toujours un mec chat noir qui dit putain, on va se prendre un but, et on se prend un but. Toujours. Ouais. Et du coup, t'as envie de le sabater, t'es avec tes potes. Hashtag Bruno dans ton salon, puisque c'est le hashtag qu'on a lancé ce matin, parce qu'on va venir chez un auditeur ce soir mater le match avec toute l'équipe. Il y a Éline Palmière qui dit, quand tu regardes un match de foot, il y a toujours ce moment moment où tu vas aux toilettes et c'est là qu'il y a un but. Ah oui, c'est vrai. Il y a Anaïs qui dit que quand tu regardes un match de foot, il y a toujours quelqu'un qui comprend rien et qui pose plein de questions. Oui, c'est de ce quelqu'un, c'est ta femme en général. Tu dis, mais arrête, je regarde, j'ai pas envie de te répondre. Anaïs qui dit quand tu regardes un match de foot, il y a toujours. Ah non, pardon, moi je regarde que pour les joueurs. Moi. Est-ce que je dis, les filles. Mais oui, mais je comprends, mais moi la première, t'aimes bien te régaler en regardant des joueurs sur un terrain de football, tu vois. Pierrick a 24 ans, il est à Dinan. Salut Pierrick. Salut la famille. Je Salut. T'écoute. Alors quand tu regardes un match de foot, il y a toujours ta femme qui demande qu'est-ce que c'est un hors-jeu. C'est compliqué à expliquer, on est d'accord. Ouais, c'est chiant à expliquer. Ouais, parce que t'as le hors-jeu de ligne ou le hors-jeu de position. Il y a deux hors-jeux différents. Oh. Ouais, c'est dur, c'est vrai. Je t'embrasse Pierrick. Kelly à Poissy dans le 78. Bonjour Kelly. Hello la famille. Hello. Et Kelly, 14 ans. Allez, je t'écoute. Quand je regarde un match de foot, il y a toujours un fou qui hurle quand il y a un but. Ah bah oui, mais alors tu sais, moi je peux l'être, hein, ce fou. Ah, pareil. Ah bah moi pareil. Ah mais moi, alors, vous verrez, bon, ce soir on va chez un auditeur regarder le match, moi je crie, hein, si on m'a. Ah ouais. Bah pareil, mais alors ce qui est relou, c'est quand t'as des voisins, tu sais, c'est souvent quand t'habites en immeuble et que les connexions sont pas les mêmes et que t'as un décalage et que t'entends crier dans l'appart d'à côté. Ça c'est relou. T'entends 5 secondes avant parce que toi t'es sur la box et donc du coup t'as 5 secondes de décalage. Je te fais des bisous, Kelly. Oui, Elliot. Non, mais le vrai fou, et il y a même Anaïs qui le dit sur Twitter, c'est celui qui crie pas quand il y a un but, mais quand il y a la moindre occasion, genre, même quand la balle il va en touche, je fais putain, ils ont failli marquer. C'était fou. Leslie, 24 ans, avec un père. Bonjour Leslie. Salut Bruno, salut la famille. J'écoute. Alors, quand il y a un match de foot, il y a toujours un drapeau breton dans les tribunes. Oui, c'est vrai. Et algérien aussi. Oui, c'est vrai. On est partout. C'est vrai. Mais en même temps, on représente la Bretagne. Ouais. Voilà, c'est tout. Leslie, je te fais des bisous, ma belle. Hashtag Bruno dans ton salon. Ce soir, vu qu'on dit que c'est la famille, eh ben on regarde le match de foot en famille. Vous voulez qu'on vienne chez vous? On vient chez vous. On se fait le barbecue ou les pizzas et après on match le foot. Hashtag Bruno dans ton salon. En ce moment, les affaires Bricoman en remettent une couche. Avec la peinture façade acrylique monocouche 10 litres mosaïque, coloris blanc ou tempière, microporeuse, fongicide et algicide. Garantie 10 ans à 45,90€ au lieu de 54,70€. Bricoman, les nouveaux entrepreneurs. Offre valable du 10 au 25 juin 2016 dans les magasins dépôts participants. Plus d'infos sur bricoman.fr. Baptiste, oui. On voit les bulbes, les fleurs et les graines. Ok. Tu peux me donner les baguettes aussi? Voilà. C'est bon. Maintenant, il me faut la tuyauterie. Ouais. Et la caisse à outils. Et passe la peinture aussi. Ah, et prends la viande de bœuf. N'oublie pas le poisson. Et charge la bétonnière. Jusqu'au 30 juin chez Ford, profitez d'une offre exceptionnelle pendant le mois de l'utilitaire avec la gamme Ford Transit Euro 6 à partir de 8 990€. Offre pour un transit courrier ambiante TDCI 75 chevaux Euro 6 réservé aux professionnels. Montant hors taxe, voir Ford.fr. Monsieur Lettonné flâne dans un parc public quand il croise Monsieur Papillon tenant une bouteille en plastique vide à la main. Monsieur Papillon, pourquoi ne jetez-vous pas cette bouteille vide? Demande-t-il perplexe. Cette bouteille en plastique est peut-être vide, mais elle est pleine d'avenir, rétorque superbement Monsieur Papillon. Alors je ne veux pas l'acheter, mais la mettre dans un bac de tri pour qu'elle soit recyclée en nouvelles bouteilles, ou en ours en pluche, ou en oreiller, ou en beaucoup d'autres objets du quotidien. Vous voulez savoir comment? Allez sur ecoemballage.fr. Aujourd'hui, c'est Arthur de Lyon qui n'en revient pas d'avoir des bons à parier Quintet Plus offerts. Non, sérieux? Un bon à parier Quintet Plus offert? Wouhou! À votre tour d'être si heureux qu'Arthur. Pendant les jours 100% gagnants PMU du 10 au 19 juin, votre bon à parier Quintet Plus est offert à tous les coups. PMU, vivez vos émotions à 100%. Voir conditions dans les points de vente participants. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Bonjour patron. Oh bah dites donc, vous avez pris un peu, non? Mais enfin Berthier, vous vous sentez bien? Ah oui, très très bien. On se sent très très bien au volant d'une Citroën avec un an d'assurance offert. Dépêchez-vous du 10 au 20 juin avec Citroën Assurance. Votre première année d'assurance est offerte sur toute la gamme Citroën. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Citroën. Hors vitamine et véhicules électriques soumis à conditions sous réserve d'acceptation de l'assureur dans les points de vente participants. Conditions de l'offre détaillées sur citroën-assurance.fr. Bon, si vous avez un grand salon qui peut accueillir une douzaine de personnes, bah tweetez avec le hashtag Bruno dans ton salon où vous soyez parce qu'on débarque chez vous ce soir pour mater le match. Et je m'occupe de tout. Hein. J'amène les merguez si vous avez un barbecue. On commande les pizzas si vous n'avez pas de barbecue. Les bières. Les bières, bien sûr. Les sodas. Moi, je suis en train de répertorier tous les gens qui sont prêts à nous donner à boire gratos. Il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Hashtag Bruno dans ton salon. On va partir chez vous ce soir et ça nous fait bien kiffer. On est venu ce matin au bureau avec nos sacs. Oui. Donc ouais, on ne sait pas où on va, mais on y va, quoi qu'il arrive. On va revenir en direct sur Fun Radio, le chiffre du jour après les infos. Fun Radio. Le son. Fla. Le point sur l'actu de ce vendredi, c'est le 10 juin. Justine Salmon pour les news, bonjour. Bonjour Bruno, bonjour à tous et bienvenue. On y va pour la météo et c'est partagé. Si vous vous trouvez sur la moitié est du pays, bonne pioche, ce sera du soleil pour vous. En revanche, sur la moitié ouest, ce sera du gris et de la pluie. Les températures de 10 à 16 degrés ce matin. Cet après-midi, il fera 19 à Brest, 20 à Limoges, 21 à Strasbourg et 25 degrés à Fréjus. Si on regarde le week-end, c'est pas fou. Il va faire beau dans le sud, ce sera pluvieux sur les trois quarts de la France. Pendant un mois, on va se lever, on va manger, on va dormir foot. L'Euro démarre ce soir en France. Au total, 51 matchs répartis dans 10 villes et 10 stades, notamment à Paris, à Lyon, à Marseille, à Lille ou encore à Nice. Le coup d'envoi pour les Bleus, c'est ce soir à 21h au Stade de France. Alors, vous les voyez aller jusqu'où, nos Bleus? Vous avez répondu au micro de Fun Radio. Jusqu'à la finale. J'ai un pote qui nous propose de nous offrir un resto si on gagne. Pas trop trop loin. Peut-être 8e, ouais. Jusqu'où, on va dire, ce serait bien d'aller en demi. Après, ce sera que du plus. Jusqu'en finale, c'est une nouvelle équipe, ils sont plus forts, donc ouais. Moi, je les vois aller minimum quart de finale. Et après, ils perdront contre un grand favori, soit l'Espagne ou peut-être l'Allemagne. Je pense qu'ils vont aller loin. Ouais, les finales. Et on vise bien sûr la finale et surtout la victoire. France-Roumanie, c'est ce soir à 21h. Et au niveau des grèves, on en est où? Eh bien, la SNCF poursuit son mouvement. Mouvement d'ailleurs renforcé aujourd'hui sur les lignes B et D du RER qui desservent le Stade de France au moment du match d'ouverture. La direction a prévu d'assurer 50 trains pour acheminer les supporters. Chez les éboueurs, ça continue également à Paris et dans le Sud. Et puis, si vous avez prévu de prendre l'avion ce week-end, sachez que la grève Air France débute demain. Enfin, coup dur pour Rafael Nadal après avoir dû abandonner Roland Garros. Il doit faire une croix sur Wimbledon en cause sa blessure au poignet. Il est à 6h34. Bon réveil et bonne matinée sur Fun. C'est tout de suite Bruno dans la radio. Bruno. 6h34, vous vous réveillez avec Fun Radio. Peut-être que c'est votre première fois ce matin. Bah, soyez les bienvenus. On a ce qu'il faut pour vous tirer du lit des euros là pour attaquer la demi-heure. Ça va arriver dans 3 minutes avec Bailar, notre chouchou de l'euro, mais de l'Eurovision. Sinon, j'aurais fait chanter Antoine Griezmann, c'était compliqué. Amir. Et puis le nouveau Galantis. Vous l'avez découvert chez nous, No Money. Je vais vous le passer avant 7h du matin. Vous êtes sur Fun Radio. C'est tout le temps pas pareil le matin. Chaque jour, on essaye de vous trouver des choses qui vous font dire « Putain, mais cette émission, la famille, il se bouge un peu le cul. » Bah, ce matin, on va bouger notre cul, on va le bouger jusqu'à chez vous. Hashtag Bruno dans ton salon. Euro 2016 de foot, on a nos maillots, on a nos sacs, on a nos pizzas et nos merguez. Ce soir, on débarque chez vous. Où que vous soyez, vous tweetez avec le hashtag Bruno dans ton salon. Alors nous, on a une seule contrainte, c'est qu'avec Elliot, après à 2h du matin, on doit être à Nantes. Voilà, mais bon, ça nous laisse quand même beaucoup de possibilités. Ouais, parce que honnêtement, le patron de Fun a dit, si vous devez prendre un avion ou un hélico ou une connerie, écoutez, vous savez quoi, Fun Radio le prend à sa charge, donc on peut aller quasi partout en fait. Exactement. Vraiment. Hashtag Bruno Fun Radio, hashtag Bruno dans ton salon. On arrive, alors je préfère vous prévenir, on va être une douzaine. Voilà, on est 12, on mange et on boit beaucoup, mais on s'occupe de tout. Donc, peur de ça, on paye tout. Il n'y a aucun frais pour vous. Et même, je vous dis, si vous avez, vous dites, ah ouais, mais j'ai une trop petite télé pour regarder à 12, on s'en fout. On va acheter une grosse télé avant mais d'arriver. Ouais. Hein. On peut mettre du caviar dans le barbecue ou pas si c'est vous qui payez. On fout avec du caviar. Je sais pas, j'ai toujours rêvé d'en mais goûter. Moi, je veux de la ventrèche, je veux de la merguez. Ah ouais, bon, je veux du pain, de la mayonnaise. Ce soir, ce sera pas régime ce soir. Du curly aussi. Hein. Oui, des curly. Vous voulez pas qu'on aille manger chez un végétarien, sinon je peux vous faire des aubergines farcies. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages qui arrivent sur Twitter avec le hashtag Bruno dans ton salon. Il y a Gaël Chaudillon qui dit ménage fait, salon prêt, télé, ok, on vous attend. Il y a Spilner qui dit je vous attends, la famille, prenez les maillot. Alors il a mis une photo, il y a une piscine et alors un barbecue. Ah. Alors là, c'est du barbecue de compète. Hein, qu'on a. La piscine, je vois que le gars commence déjà à nous ambiancer. Il y a Pierre aussi qui vient de jouer, Pierre Sanchez qui met si ça marche, ma femme va me tuer. Ouais. Si tu la préviens pas et qu'on débarque à 15, elle peut faire la gueule. Allez, hashtag Bruno dans ton salon. Et il y a plein de gens qui disent mais c'est pas vrai, vous pouvez pas faire ça. Bah, c'est mal nous connaître. Si, on va le faire. Si. On est des oufs. Bah, je peux vous dire qu'on est des oufs. Et alors, même s'il y a la grève des trains, on prendra un bus et on viendra en bus. On s'en fout. Ah non, mais là, on est chaud bouillant. On a prévu nos familles respectives. On leur a dit pendant 24 heures, vous ne nous voyez plus. On a fait garder les enfants. Voilà. Non, tout est prévu, je vous jure. On va même, vous savez quoi, on peut mettre la photo de tous les sacs de l'équipe qu'on va poser dans un coin pour montrer qu'on a préparé nos valises et tout ça. Non, on débarque. Allez, 6h37. C'est le chiffre du jour. 77%, c'est le chiffre du jour. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Là, 77% des supporters français auront plus envie de faire quelque chose si la France gagne ce soir. D'après vous, qu'est-ce que c'est ? Bonjour Pauline. Salut Bruno, salut la famille. Coucou. Bonjour. Pauline, 22 ans, t'es lilloise. C'est ça. Tu vas regarder le match ce soir ? Ouais. Dans un bar avec des potes ? J'ai tout ce qu'il faut, j'ai la perruque, j'ai l'écharpe. T'as de la place dans ton salon au cas où ou pas si on Ah bah vous pouvez venir. Hein. Pauline, d'après toi, 77% des supporters français auront plus envie de faire quoi ce soir ? Aller manger un fast-food. Ah, c'est vrai que ça fait partie des trucs, la bouffe, le fast-food. T'as pas trop envie de te faire chier un soir de match, fast-food, pizza, c'est bien. Pizza ou alors, tu sais, des petits hot-dogs, ça c'est pas mal aussi, ouais, dans le match. C'est, vrai. C'est un délire, bah, c'est plus, c'est un truc américain, mais ça marche aussi. c'est pas la réponse que j'attendais, Pauline, mais c'est une réponse intéressante. Je vais quand même t'offrir un casque, Bruno, dans la radio. D'accord, ouais, ma chérie, cool. Je te fais des bisous. Est-ce que c'est pas aller aux toilettes si la France gagne? Parce que, de facto, t'es content, tu vas faire la fête, tu vas boire plus de bière. Et donc du coup, qui dit bière dit pipi. Quand Elliot utilise des locutions latines, ouais. Les amis, j'ai peur. De facto. Moi, je pense que c'est un truc de site internet, c'est les sites de paris. Je pense qu'il y a plus de gens qui vont s'inscrire pour parier vu que. Tu ah, vois. Ça se pourrait. Ouais. Eh, c'est pas ça. Mathéo à Lyon, 28 ans. Salut Mathéo. Coucou la famille. Salut mon pote. Tu regardes le match ce soir ? Ah, obligé. Bah, obligé. Obligé, frère. Mathéo, dis-moi, 77% des supporters français auront plus envie de faire quelque chose ce soir, c'est quoi d'après toi ? Klaxonner en ville, moi, je dirais, après le match. Ah, c'est vrai que quand tu klaxonnes, après, t'es contente. J'aime bien. Ouais. Hein, surtout, tout le monde sait faire le tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut-tut. Il y a toujours un mec pas doué qui essaie de le faire et qui fait un tut-tut-tut-tut-tut-tut. Ça n'existe pas, ce rythme. Mathéo, je t'offre un casque, Bruno, dans la radio, mon pote. C'est pas la réponse que j'attendais. Je te fais des bisous. Merci. 77% à bientôt des Français auront plus envie de faire l'amour. Ah ouais ? Mais oui. Ah bah ouais, parce que t'es chaud du coup. Ah ouais. C'est ça, après Griezmann, toi aussi, t'as envie de la mettre au fond. Mon zizi qui s'approche de ma femme qui enlève le pantalon, je m'approche du pantalon et attention, je la mets au fond. Oh oui, c'est un orgasme. Bailar, c'est 2 euros là tout de suite sur Fun Radio. Dans 20 minutes, 7h du matin, bonjour la famille. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Despacito, mami, yo sé que te va a encantar. Mueve, dale, vamos. Despacito, mami, yo sé que te va a gustar. Mueve, dale, más sabrosito. Vamos a bailar. ¡Es la cosa! ¡Levanto! ¡Aprieta! ¡Vamos! Una mexicana se puso a bailar. Sudaba tequila, yo quiero probar. Si yo soy vegana, la van a envidiar. Baila como diosa, así no jodas.

dans la radio. Make some noise. On Fun Radio. Vendredi, c'est le 10 juin, 6h48. Hashtag Bruno dans ton salon. On a eu le délire hier avec l'équipe. On s'est dit si on faisait un truc pour le match de foot. Et en fait, on s'est dit mais si on allait le voir chez un auditeur. Tout simplement. Et donc, on a lancé le hashtag Bruno dans ton salon ce matin. Tout à l'heure, à 9h15, on va choisir quelqu'un chez qui on va aller ce soir pour regarder le match de foot. Attention, quand je dis l'équipe, c'est toute l'équipe. On est 12, hein. On est 12. Prend un peu de place. Hein. On prend de la place, on mange, mais on s'occupe de la bouffe. Et on s'occupe de tout, on paye tout. Et alors, ouais. Vous êtes nombreux à réagir sur Twitter. Il y a Chouchou qui dit notamment, elle a carrément posté une vidéo de son salon, de son jardin, c'est trop fort. Et elle dit, on vous attend ce soir, la famille. Et il y a aussi Jay qui dit, si ma meuf voit débarquer Christina dans mon salon, elle me met de gifles. Alors, sache que je ne pique pas les maris, hein, chère madame. Non, mais par contre, dans l'équipe, il y en a une ou deux qui sont un peu plus. Enfin, bon, bref. Hashtag Bruno dans ton salon. Voilà, il y a quelqu'un qui dit voilà, si vous venez chez moi, il faudra faire une chanson du jour pour l'annoncer à ma femme. Oh là. Et après, si on débarque chez vous, bien sûr, vous pouvez inviter vos potes, etc. Bah, voilà. Bien sûr. Il y a des potes qui écoutent l'émission tous les matins. Le but, c'est qu'on se fasse un délire en famille. Attention, nous, on débarque chez vous à la cool. C'est bien si vous avez de la 3G ou de la 4G parce que on va essayer de faire vivre le truc quand même via les réseaux sociaux. Donc, si on peut faire un petit Periscope, un petit Facebook Live, ce sera quand même sympa. Quoi. Ouais, et il y a un bon Wi-Fi, quoi, plus. Si vous avez la fibre, c'est pas ouais, mal. Ou un bon Wi-Fi. Ouais. Bon après, et si vous êtes dans le trou du cul du monde, ça marche aussi. Ouais, même si c'est de la basse qualité, qu'on voit que des pixels, on s'en fout. On se débrouillera. On imaginera. L'essentiel, c'est qu'on puisse quand même capter la télé. Quand même. Ouais. C'est dans le match de foot. C'est mieux, mais il y a la radio au pire. Jonathan à Villers-Cotterêts, dans l'Aisne. Rebonjour, Jonathan. Oh, bonjour, salut la famille. Salut mon pote. Alors, t'as monté des bungalows pour la cérémonie d'ouverture. Mais alors, où ça que t'as monté des bungalows Sur le Champ de Mars, en dessous de la Tour Eiffel. Ah, d'accord. Ouais. Ah, t'es venu bosser sur Paris. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Alors, mais il y avait quoi dans les bungalows? C'est pour mettre tout le matériel de la régie, puis des programmateurs et tout ce qui va avec. Et c'est pas toi qui a monté, genre, les. Parce qu'ils ont fait par exemple un McDo temporaire. Ah ouais? Ouais. C'est pas toi qui a monté ça? Non, mais je l'ai vu, il est sacrément énorme. Il fait c'est au moins hallucinant. 20 ou 30 mètres. Ils ont monté un McDo, genre, juste pour l'occasion, ils vont le démonter après. C'est énorme. Et franchement, je sais pas si vous avez vu commencer à voir les images du Champ de Mars, de la Tour Eiffel hier. Moi, je suis passée en voiture ce matin au pied de la Tour Eiffel. Elle est illuminée en bleu, blanc, rouge. Il y a un ballon géant qui est au milieu. Ouais. Franchement, je vous jure, quand je suis passée devant ce matin, j'en avais des frissons tellement c'était magnifique. Jonathan, c'était du beau boulot. Bravo à toi. Bravo. Merci. Je t'embrasse, mon pote. Tiens, d'ailleurs, oui, c'est vrai. J'ai zappé deux secondes, moi, sur la cérémonie d'ouverture hier qui était diffusée. C'était pas la cérémonie d'ouverture, ouais. C'était le grand show de TF1, quoi. Oui, parce que hier, c'était le grand show de TF1. Ce soir, la cérémonie d'ouverture, c'est avec Fun Radio. C'est pour ça que David Guetta vous a offert des places pour ce soir. Hier, la cérémonie d'ouverture, enfin, la cérémonie de grand show. De... Le grand show, ça s'appelait. C'était avec Énergie. Ouais, et d'accord. C'était Alessandra Sublet qui présentait, ouais. Qui était très bien d'ailleurs. Et il le diffusait sur Énergie ou pas? Je sais pas. J'espère pas pour eux. Oh là là. Il avait oublié la chanson ou pas, William? Faut chanter en rythme, monsieur William. C'est Elliot qui chante bourré au karaoké. Non, mais en vrai, je pense qu'il a un problème technique pour chanter comme ça, parce qu'il est quand même super doué à la base. William. Bah, ou alors il est devenu sourd. Hein. Honnêtement, il y a eu quelque chose. Où il était en train de faire un AVC et tout le monde applaudissait, genre. Ouais. Allez, Will. Dans 3 minutes, le JPI, journal porn image. Ça arrive en direct sur Fun Radio. Mais pour l'instant, de l'Euro à l'Eurovision, il n'y a qu'un pas. On le franchit avec Amir. J'ai cherché un sens à mon existence. J'y ai laissé mon innocence. J'ai fini le cœur sans défense. J'ai cherché l'amour et la reconnaissance. J'ai payé le prix du silence. Je me blesse et je recommence. Tu m'as comme donné l'envie d'être moi. Donné un sens à mes pourquoi. Tu as tué la peur qui dans mes là, qui dans aventure. C'est quand on n'y croit plus du tout qu'on trouve un paradis perdu en nous. Oh, you, you, you, you, you. C'est Fun Radio. Galantis, nouveau Galantis, première diffusion en Europe, c'était sur Fun Radio. Un peu comme le nouveau Major Lazer. Bon, Major Lazer, on a un petit avantage, c'est qu'il est venu directement chez nous pour passer le disque. Donc forcément, ça va directement du producteur au consommateur, j'ai envie de dire. Ça va arriver dans le quart d'heure, Major Lazer avec Boom. Et puis 7h du matin, Vacher Time, vous avez un téléphone, vous pouvez être la victime de Vacher. Qu'est-ce qu'on a ce matin? Bah aujourd'hui, je suis un élève qui écrit une poésie et j'ai demandé de l'aide à une dame. Voilà, je lui ai dit, aidez-moi à trouver des rimes. Et je lui tends un petit peu des pièges, vous allez voir. Écoutons. Le corbeau marchait sans but, car sa mère était une... Une brute. Elle va réussir à passer au travers, mais combien de temps? J'ai hâte d'écouter. Pour l'instant, j'y paye. Fun. Le JPI sur Fun Radio. Journal pas en image, faux journal de l'émission, première édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia et voici l'édition de 6h50 du JPI. Et pour commencer, télévision, ce soir sur TF1, c'est le lancement de l'Euro avec France-Roumanie. Toutes nos condoléances vont vers France 2 qui diffuse Candice Renoir. Euro 2016, hier soir, le grand show de TF1 a connu de nombreux problèmes techniques lors des prestations des artistes. Bah bon, mais quel genre de problème? Des petits problèmes de volume. Ce soir, c'est donc le match d'ouverture de l'Euro France-Roumanie au Stade de France. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony? Oui, je suis devant le Stade de France. Les Bleus arrivent avec leur belle voiture. Génial. Ah, et les Roumains sont là aussi. S'il vous plaît. Ils lavent les pare-brises, ils sont serviables quand même. Oui, très. À dans une heure pour un nouveau reportage. Oh, les clichés, les gars. Et pour finir, si vous aimez les boissons gazeuses et Michael Schumacher, buvez du Coca-Cola. Oh. Ça, c'est pas bien. Ça, vous savez quoi? Ce genre de vanne, c'est pas bien. Bah non, je sais que c'est pas bien, mais c'est trop tard. Galantis, no money. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna. I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run away. You might knock me down, you might knock me down, but I will get back up again. You can call it how you wanna. I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run away.

7h04, vous écoutez Fun Radio. Bonjour. Bonjour. Oh putain, c'est vendredi. Oui, c'est vendredi, la famille. Vendredi, c'est synonyme de teuf, c'est synonyme de n'importe quoi, c'est synonyme de fête du bruit. Calvin Harris, ça arrive dans quelques secondes avec Rihanna et puis le nouveau Major Lazer. Vous avez ouvert les yeux ce matin, vous avez vu un hashtag qui est numéro 1. C'est le numéro 1 TT France depuis 5h30. C'est-à-dire qu'avant même que l'émission débute aujourd'hui, on était en top tweet France. Ça veut dire quoi? C'est le sujet dont on discute le plus sur les réseaux sociaux depuis ce matin. Hashtag Bruno dans ton salon, qu'est-ce que c'est? Nous avons décidé une nouvelle fois de créer l'événement, voilà. On dit Fun Radio, c'est la famille. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait en famille? On s'engueule? On peut s'engueuler, ouais, c'est vrai. On se fout sur la gueule, des fois. On fait l'amour? Aussi, oui, en famille, bien sûr. Mais surtout, on communie. On se serre les coudes. On vibre ensemble quand on regarde un match de foot, et notamment un match de foot de l'équipe de France de football. Et c'est pour ça que ce soir, nous avons décidé avec toute l'équipe de Bruno dans la radio de venir chez vous. Opération hashtag Bruno dans ton salon. Où que vous soyez, vous tweetez. On arrive chez vous avec la bouffe. Ouais. Alors, vous avez un barbecue, on achète les côtes de bœuf, merguez, chipolata, tout ce qui va au barbecue. On peut même acheter le charbon si vous voulez pas acheter le charbon. On achète ce qu'il faut à boire, etc. On prévoit tout. Vous avez pas de barbecue, vous avez pas de jardin, c'est pas grave. On vient avec les pizzas. Yes. Mais à 21h, au coup d'envoi du match, la main sur le cœur, nous serons à vos côtés dans votre salon. Et je peux vous dire qu'on est en train de recevoir des messages par milliers depuis 6 heures. Il y a par exemple Alison Delphine qui dit « Ma copine et moi serions ravis de vous accueillir chez nous ». On a aussi Séverine Marshall qui dit « Je vous ouvre les portes de ma maison avec plaisir, la famille ». Il y a Aurélie qui dit « Bruno, dans ton salon, ce sera un truc de ouf, les bières sont au frais, le saucisson est prêt ». Il y a Andrea quand même qui demande quelque chose, et je pense que c'est une vraie question qu'on ne s'est pas encore posée. Il dit « S'il y a un chat, est-ce que tu viens quand même, Bruno ?» Ah. Jurisprudence chat. Ah bah oui. Ouais, il faut que j'achète des antihistaminiques. Ah, j'en ai avec moi, Bruno. Moi aussi j'en ai. Ouais. Très bien. Ah, sinon, tu viens quand même? Tu ferais l'effort de voir un chat? Je suis pas obligé d'être à côté. Ouais. Bah. Ah, et en même temps, si un chat et un barbecue, les deux peuvent aller de pair. Moi j'en vois plein aussi sur Twitter. Il y a Noémie Siamois qui dit venez, je vous attends la famille. Et en plus, il y a du pinot chez moi. Elle nous connaît bien. Moi, depuis que j'ai goûté ça, je jure que par ça. Ouais, non, mais on peut boire de tout. Hein. Oui, on n'est pas compliqué. Bah. Hashtag Bruno dans ton salon. Alors après, c'est vrai que ce soir, on est en club avec Elliot à Nantes. Ouais. À une discothèque le Loft, mais à partir de 2h du matin. Mais le patron de Fun Radio nous a dit, écoutez, c'est pas grave, où que vous soyez à la fin du match, moi je peux prendre soit un avion privé, soit un hélicoptère pour vous amener à Nantes. Un hélicoptère. Ouais. Du coup, ça se termine vers 23h. Ouais, disons, on pousse un peu jusqu'à 23h30. On peut aller quasi minuit, partout. Ça nous laisse au moins 2h, 2h30. Hein. Exactement. Hashtag Bruno dans ton salon, et on décidera tout à l'heure à 9h du matin chez qui on va partir. Fun. Le Vaché Time. Le Vaché Time. It's Vaché Time. Bonjour. Vous avez un téléphone, vous pouvez être la victime de Vaché. Ouais, j'ai voulu contrebalancer avec le monde du foot, parce que le foot, c'est quoi? C'est sympa, mais c'est un monde de mecs, voilà, qui boivent de la bière, qui sont vulgaires, etc. Et ça, on en a marre dans le Vaché Time. Du coup, qu'est-ce qu'on a dit? On va partir dans le monde de la poésie. Tu vois? Ouais. On va s'alléger, et un peu de poésie, vous allez voir, ça fait tellement bien. On écoute. Oui, bonjour madame, je m'appelle Grégory Vaché, je suis élève en 6e B et en fait je dois faire une poésie pour mon prof, je sais pas si vous aimez bien la poésie. Un peu. Et je voulais savoir si vous pouviez m'aider à trouver des rimes dans mon texte à trous. Je vais essayer. Bon, merci. Par contre vous êtes pas vulgaire dans les mots que vous me dites, hein, parce que c'est pour le prof et puis même moi je suis encore un enfant. Donc. Ah non. J'y vais. Le corbeau marchait sans but, car sa mère était une... Une brute. D'accord. Il vit des gens sur la berge et leur montra sa grosse... Auberge. Auberge, d'accord, oui, comme le bâtiment, quoi, l'auberge. Oui. Il dit, c'est vrai, moi, je m'agite quand je fais l'hélicoptère avec... Du mérite. Du mérite. Il dit, faites pas les andouilles et venez gober mes... Nouilles. Ouais. Sa mère pleine de bonhomie lui dit, j'aime trop la... Sodomie. Bah, Madame, je suis un enfant, pourquoi vous dites des mots comme ça? C'est hyper choquant, c'était pas du tout le but de l'appel. Oui, j'ai trouvé que ça, alors merde. Oh. Merde. Tôt ou tard, t'es obligé de craquer. Ah, elle y est venue. Forcément, elle y est venue. La seule radio qui paye vos factures tous les matins, c'est Fun Radio, ça arrive dans 3 minutes. La seule radio des stars, c'est Fun Radio. D'ailleurs, elles le disent elles-mêmes. Hi, this is Rihanna on Fun Radio. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Bonjour et bon réveil, vendredi c'est le 10 juin, c'est Fun Radio, il est bien le nouveau Major Lazer. Chanson du jour ce matin, ce sera tout à l'heure à 7h30, juste après le Major Lazer là justement. Chanson du jour aujourd'hui, c'est pour Louis, il a 15 ans, il est à Reims. Alors lui, il a fait le con Louis. Ouais. C'est un gamer, il joue à FIFA 16, à Minecraft, et puis il y a une semaine lors d'une partie de FIFA en ligne qu'il a perdu, d'accord. Il a pété un plomb. Il a pris sa manette, il l'a jetée. Pas de bol, elle a explosé l'écran de la télé. Ouais, manette... Ah non, l'écran de l'ordi d'ailleurs. L'écran de l'ordi, ouais, manette d'Xbox. Parce que quand t'es un vrai geek, j'ai appris que tu pouvais faire ça. Tu peux brancher la manette d'Xbox, vu que c'est Microsoft, à ton ordi en USB. Ouais, bien sûr. Et donc du coup, tu joues. Le problème, c'est que donc, il a pété l'écran d'ordi. Visiblement, sa mère ne s'en est toujours pas rendu compte. Non. Et il veut passer par nous ce matin pour lui annoncer. Ça passera peut-être mieux. Ben écoute, ça passera mieux. En tout cas, et Louis, je tiens à te dire tout de suite, si tu as fait ça pour qu'on te paye un nouvel ordinateur, on est en fin de saison, là, j'ai plus un flèche. Ouais, je mets tout, la dernière thune, je mets ça dans les billets de train ou d'avion, là, pour Bruno dans ton salon ce soir. Bon, on appellera sa mère tout à l'heure, extrait de la chanson. Ma maman, oui, je ne sais pas ce qu'il m'a pris quand j'ai joué à mon ordi, j'ai eu un souci. Ce sera tout à l'heure, 7h30. Bruno, allô ? Paye vos factures. Bruno ! Tous les jours, 7h10, 8h10, Fun Radio est la seule radio de France à payer vos factures. Et ça peut tomber sur vous, pour ça il faut envoyer votre propre facture, soit vous le faites à facture@funradio.fr ou par courrier Fun Radio 20 rue Bayard 75 008 Paris. Eh oui, hombre. Oh. On peut t'appeler en direct. Mais dans quel pays on appelle pour que tu parles comme ça? On appelle à Neuville, c'est dans le 76. Ah, le 76, c'est quoi comme département? Le 76, c'est la Seine-Maritime. Ah oui, c'est bien l'accent de là-bas. Mais qu'est-ce que c'est comme accent? C'est l'accent mexicain de Seine-Maritime. Ah, d'accord. Oh, El Paso. Allô? Oh. Allô, Jérémy? Oui. Bonjour, Jérémy. Bonjour. Jérémy, qui est le seul animateur radio qui paye tes factures? C'est Bruno dans la radio. Eh ben voilà. Arrive, Bruno. Jérémy, t'as vu, il est droit. Ouais, salut, bonjour, c'est Bruno dans la radio. Bonjour. Combien? Merci, ouais, ça va, ok, génial. À bientôt. Au suivant. Il y a des gens comme ça qui sont monocordes, c'est-à-dire que qu'ils soient heureux ou tristes, ils ont tout le temps la même intonation. Ma grand-mère est morte, je suis triste. C'est mon anniversaire, super, non, venez vous asseoir. Jérémy, Jérémy, t'as quel âge, tu fais quoi dans la vie? J'ai 23 ans et je suis agent de maintenance à l'hôpital local de Saint-Valery-en-Caux. D'accord, ok. Eh ben écoute, je suis ravi de t'avoir ce matin. C'est ta facture qui a été choisie. Une facture de 567,01 €. Qu'est-ce oui. que c'est? C'est mon loyer. Ah ben ça, le loyer, ah. ça fait partie des choses qui tombent tous les mois. Et puis ouais, voilà. c'est ça, puis ça coûte voilà. cher. Eh ben, voilà. tu fais quoi? C'est mon loyer parce qu'en fait, j'ai déménagé et je me suis retrouvé avec 3 loyers à payer, donc ça va bien m'aider. Ah bah tu m'étonnes. Pourquoi 3 loyers à payer? T'as pris 2 autres appartements? Non, non, non. Non, c'est parce que j'ai déménagé. Du coup, j'ai eu ma caution inversée et puis j'ai eu mon autre loyer à ah, bah, ouais. mon avis, quoi. Oh, la galère. Ouais, c'est des trucs chiants, quoi. Mais on bon, a compris. Voilà. 567,01 €, je te paye ton loyer, mon pote. D'accord. Merci, merci beaucoup. Parce que c'est ça, dans les factures, il y a les loyers, il y a les impôts, il y a les amendes, il y a les trucs de kiff, mais il y a beaucoup de trucs. Merci beaucoup, Bruno. C'est la joie que tu entends dans ma voix. Merci, merci, en train de merci Bruno, c'est sympa. Jérémy, je t'envoie ça vite, je te fais des bisous. Bisous, bisous à toute l'équipe. Bisous. Allez, passe une belle journée. Major Lazer, ça va arriver là dans quelques secondes sur Fun Radio. Il y aura j'adore ce son. L'hymne. Merci Jérémy. L'hymne de l'Euro 2016. David Guetta et Zara Larsson. L'Euro 2016 débute ce soir. Ce soir, il y a France-Roumanie. Et la question que tout le monde se pose, c'est mais quelle équipe va gagner? Est-ce la France? Est-ce la Roumanie? Il y a déjà des animaux dans différents zoos du monde qui commencent à faire des choix. En France, c'est une otarie qui a été choisie au zoo d'Amnéville. L'otarie a choisi la France. Mais j'ai vu qu'il y avait un oiseau dans un zoo parisien, un truc genre un cacatoès ou un truc dans le genre, qui lui a dit que ça allait être la Roumanie. Oh là là. Moi, je dis dans ces cas-là, demandons à ceux qui savent. On a notre pote Jean-Pierre. Moi, j'aime bien appeler Jean-Pierre de temps en temps. C'est mon pote qui est voyant. Ah oui, mais oui, il est fort en plus. Bah, d'ailleurs, il m'avait dit que ma femme tombera enceinte au moment où elle est tombée enceinte. Il l'avait prédit 2 ans avant. Ouais. Et il avait prédit que ce serait un garçon. Ouais. Et c'est Est-ce qu'il t'avait dit que ça serait lui le père ou pas? Ah ouais, c'est peut-être pour ça qu'il a réussi. Okay. Bon, et vous savez quoi? On va l'appeler là dans 3 minutes en direct sur Fun Radio pour savoir qui va gagner l'euro. Qui va gagner ce soir et qui va gagner l'euro. Très bien. Préparez vos grilles, les amis. On revient en direct sur Fun Radio après ça. La radio numéro 1 sur les nouveautés Dance Electro. C'est Fun Radio. Dimitri Vegas and Like Mike. Get your hands up. Galantis. Benny Benassi et Chris Brown. Matin. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Plus que quelques secondes avant la mi-temps. Ah là là, quelle pression! Il faut absolument garder l'avantage! Mais siffle! Allez, regarde ton chrono! Ouais!

other man a gyal is, I'm in stanza forever. France numéro 1 depuis 5h30, hashtag Bruno dans ton salon. Ce soir, on va quelque part en France, on ne sait pas où encore, mais on débarque avec toute l'équipe de Bruno dans la radio chez vous pour mettre un match de foot. On s'occupe de tout. Ce qu'il faut mettre sur le barbecue si vous avez un barbecue, ou sinon on achète de la pizza. Hashtag Bruno dans ton salon. Let's go. Bruno dans la radio. Tous les matins. Salut Bruno. C'est Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Bon, comment ça va se passer ce soir? Comment ça va se passer l'Euro? Est-ce qu'on va être bien ou pas bien? Moi, je suis sûr qu'on va gagner dès le premier match. Moi, je veux la confirmation de Jean-Pierre. Jean-Pierre, c'est le voyant qu'on appelle souvent, c'est mon pote. Hein. Je le connais depuis une éternité. Depuis belle lurette. Mais bien sûr, je peux te dire qu'il m'a vu venir. Alors, Jean-Pierre, c'est ton ami qu'on aime beaucoup et qui commence à faire une phrase. Il est par exemple à 7h25 et il va finir sa phrase à 9h10. Ouais. Exactement. On lui a dit qu'il fallait qu'il soit court et concis. Salut mon JP. Alors, c'est à moi? Ah, c'est à toi. Je vous entends très très loin. Bonjour Bruno, bonjour l'équipe, bonjour la famille. Bonjour. On m'a dit de parler très très fort. J'ai du mal à crier plus que ça, sinon on va penser qu'un voyant sourd, ça va mettre des mauvaises idées à ceux qui vous écoutent. Et j'ai pas envie que ça se mette. Voilà, donc. Jean-Pierre, Jean-Pierre, voilà, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que la France va gagner l'Euro 2016 de football? D'accord. Bon, j'imagine que tout le monde n'a pas oublié ma dernière prestation. Je me suis étalé comme une crêpe. D'ailleurs, c'est vrai que sur le foot, tu n'avais pas été génial la dernière fois. C'est pas très bon sur le foot, mais j'ai porté chance parce que quand chaque fois que je dis qu'elle va perdre, elle gagne. Ouais. Je suis confronté. Mais en tant que voyant, je dirais elle va gagner contre la Roumanie. Elle gagne. Ouais. Ça, c'était la première question que tu voulais me poser. Et puis la deuxième, c'est qu'est-ce qui sera en finale. Je vois l'Allemagne, mais je vois pas avec qui. J'ai pas le sentiment que la France. Dépasse les huitièmes de finale. Des fois, quand je parle comme ça, je me dis, mais pourquoi j'ai pas les mêmes trucs sur les numéros du loto ou un truc dans le champ, tu vois. Donc, parce que du coup, on gagne ou on passe pas les huitièmes de finale? Ah, je pense qu'on passe pas les huitièmes de finale. Oh, ce serait horrible chez nous. Non, il faut au moins qu'on aille au moins en demi-finale. Puis les Allemands, encore eux, ils ont déjà gagné plein de fois. Personnellement, je vais faire comme 95%. Surtout qu'en plus, on a des souvenirs qu'ils avaient gagnés. Enfin, c'est toujours la mode avec les coups de poule, là, rappelons-nous. Hein, que ce soit dans notre équipe de France à une époque où on a dit qu'un certain joueur qu'on connaît très bien qui joue à Madrid avait mis un coup de poule. Il y en avait eu un autre. C'était sur l'équipe de France, c'était Schumacher à l'époque, qui était un gardien de but qui avait mis un coup de tête à Pakistan. Ouais, c'est le retour des phrases longues, Jean. Je me reprends tout de suite. Moi, je me disais, je vais faire comme 95% des Français, c'est-à-dire que là, je vais encourager les Bleus, je vais dire ouais, je vous adore, etc. Et dès qu'on perd, je vais commencer à leur chier dessus. Non. En disant ouais, de toute façon, ils sont pourris, ils sont plus y a rien foutre, voilà. Bon, Jean-Pierre, donc ce soir on gagne, mais pour l'Euro, pour la compétition 8e de finale. Oh bah, j'espère que tu te trompes. Hein. On va voir. C'est-à-dire que si je fais comme la dernière fois, vous allez me payer un pot, parce qu'en fin de compte, à chaque fois que je donne des mauvaises nouvelles, ils gagnent, donc je porte chance. Mais intuitivement, c'est ça. Écoute, tu sais quoi? On reviendra vers toi à ce moment-là, alors. Bon, Jean-Pierre, je te fais les bisous, mon poteau. Oui, coupe le micro, parce que tu sais, après, vous pouvez aller prendre le café. Moi, quand je suis parti, mon côté hispanique, toi, je m'arrête plus. Oui, je sais. Bisous. Je sais bien. Bruno, t'as raccroché, vaché, il rêvait de demander à Jean-Pierre quand est-ce qu'il allait enfin recoucher avec sa femme. Non, mais ça, je le rappellerai. Il lui a annoncé que sa femme allait être enceinte et avoir une petite fille. Voilà, il a eu raison. Non, mais c'est vrai. Moi, vous savez que Jean-Pierre, quand je l'ai connu, à 18 ans, il m'avait annoncé que je ferais de la télé sur TF1, que je ferais de la radio sur Énergie à l'époque, etc. Alors que j'étais sur une radio locale en province. Il a eu raison, j'ai fait. Il s'est jamais trompé, moi aussi, il m'avait prédit ma fille. Hein. Il est assez fort. Hein. Mais c'est vrai que sur le foot, des fois, il merde. Il est pas. Mais c'est quoi? Moi, je veux, voilà. Il a dit, ça s'arrête en 8e de finale, je veux croire qu'on va aller en finale. Ah ouais. Il dit le contraire en général pour le foot.

Et ne serait-ce que pour avoir Justine Salmon chez vous, je serais bien de balancer un tweet. Hashtag Bruno dans ton salon. Après un peu de GHB, puis vous savez voilà. Ce qu'il reste à faire. Allez, l'info de ce vendredi. On débute forcément avec la météo. Et c'est assez partagé aujourd'hui. Si vous vous trouvez sur la moitié est du pays, bonne pioche, ce sera du soleil pour vous. En revanche, sur la moitié ouest, ce sera du gris et de la pluie. Les températures de 10 à 16 degrés ce matin. Cet après-midi, il fera 19 à Quimper, 20 à Limoges, 21 à Mulhouse et 25 à Cannes. Et si on regarde le week-end, c'est pas fou. Il va faire beau dans le sud et ce sera pluvieux sur les trois quarts de la France. Pendant un mois, on va se lever, on va manger, on va dormir foot. L'Euro démarre ce soir en France. Au total, 51 matchs répartis dans 10 villes et 10 stades, notamment à Paris, à Lyon ou encore à Marseille. Le coup d'envoi pour les Bleus, c'est ce soir à 21h au Stade de France. Et tout le pays est derrière eux. Petit message d'encouragement capté sur les Champs-Élysées à Paris. Bien évidemment, de se donner à fond, de penser à tout le pays qui est derrière eux. Et aussi, bien sûr, après, de leur dire qu'ils jouent pour eux, pour leur équipe, pour leurs amis, et aussi pour tout le pays qui les soutient. Pensez à tous les gens qui viennent vous voir, donc motivez-vous et essayez de gagner pour faire plaisir à tout le monde. Allez, la Bleue, vous allez gagner ! Courage à eux, continuez dans ce chemin-là, de nous faire rêver. Et on les aime. Allez, les Bleus ! France-Roumanie, c'est ce soir à 21h. Et si vous souhaitez que toute l'équipe vienne mater le match chez vous, tweetez avec le hashtag Bruno dans ton salon. Au niveau des grèves, on en est où? Eh bien, la SNCF poursuit son mouvement renforcé d'ailleurs aujourd'hui sur les lignes B et D du RER. Chez les éboueurs, ça continue également à Paris et dans le sud. Et si vous avez prévu de prendre l'avion ce week-end, sachez que la grève Air France débute demain. Et puis, un nouveau coup dur pour Rafael Nadal. Après avoir dû abandonner Roland-Garros, il doit faire une croix sur Wimbledon à cause de sa blessure au poignet. Il est 7h35, bon réveil à tous, c'est Bruno dans la radio, bienvenue. Jusqu'à 9h, turn up the radio. C'est le 10 juin, c'est Fun Radio. Et ce matin, nous avons décidé de faire une opération un peu spéciale. On s'est dit, tiens, ce soir, on va soutenir l'équipe de France de foot. On va regarder le match, mais on va regarder le match en famille. Et on le dit tous les matins, Bruno dans la radio, c'est la famille. La famille, c'est vous. On vient chez vous. On a préparé nos valises, voilà. On a prévu l'OP donc hier, hein, pour tout vous dire. Donc voilà, on a dit ce matin, on va choisir. Vous tweetez avec le hashtag Bruno dans ton salon. On va partir chez un auditeur de Fun Radio. On ne sait pas où encore. Alors ce qu'on disait, on a une contrainte avec Elliot. Ce soir, on mixe en boîte à Nantes, mais ouais. On doit être à Nantes à 2h du matin. Donc ça nous laisse quand même de la marge. Et le patron de Fun Radio est prêt à financer un avion privé pour nous envoyer avec Elliot. Donc on peut aller quasiment partout en France, en fait, je pense. Ça serait compliqué peut-être pour la Corse. La Corse, ça risque d'être compliqué. Ouais. Voilà. Les départements d'outre-mer aussi, on aimerait bien, mais ça va être compliqué. Ouais, mais un sinon, peu loin. C'est dommage. Ça nous laisse un panel assez large. Hashtag Bruno dans ton salon. On arrive chez vous ce soir. On a dit qu'on s'occupait de tout avec Christina pour vous rassurer. C'est-à-dire que la bouffe, vous prenez pas la tête, hein, parce qu'on va arriver, on est 12. Bien sûr. Donc vous, faut juste la place pour nous accueillir. Mais 12, on amène des pizzas, par exemple, si vous n'avez pas de barbecue. Si vous avez un barbecue, on peut acheter le charbon, les merguez, les chipots, côtes de bœuf, machin, etc. La boisson. Les chamallows pour le barbecue. Les chamallows, exactement. On s'occupe de tout, de chez tout, hein, vraiment. Mais alors, ça marche aussi si vous avez une plancha. Par exemple, Séverine Marchal sur Twitter, avec le hashtag Bruno dans ton salon, nous dit « Allez la France, allez les bleus, je chauffe la plancha, venez chez moi ». Non mais même si vous avez un appartement, on ramène le barbecue. On le fait en appart. Hein. Non, ça, on n'a pas le droit. Non, mais en appart, on peut. Après, prévenez vos voisins. Parce que vous avez 12 personnes qui débarquent chez vous, quand même. Et si vous êtes une fille, que vous êtes célibataire, ouverte, et que vous savez garder les secrets, on peut aussi débarquer. Hein. Oui. Non, juste ça comme ça. Bon, bref. Bruno dans ton salon. On est en train de tout péter sur Twitter, les amis. On a un score, on est en train de passer en moyenne 150 tweets par minute qui arrivent avec le hashtag Bruno dans ton salon. Franchement, ça fait chaud au cœur parce que du coup, on se sent désiré chez vous, donc on avait vraiment, vraiment envie de venir. Quand je suis en train de vomir sur votre pelouse, vous allez le regretter. Votre tweet. Vous allez le regretter. Ça, peut-être pour ça qu'il vaut mieux un jardin. Ouais. Allez, 7h37. Règle vos problèmes avec la chanson du vendredi. La chanson du vendredi. Faites sonner le clairon pour Louis. Bonjour Louis. Bonjour Bruno. 15 ans, il est à Reims. Louis, tu m'as écrit bruno@funradio.fr. Tu veux qu'on appelle ta maman ce matin? Oui, c'est ça. Plutôt proche de ta mère, c'est ce que tu m'as mis. T'as une relation d'ado, hein, mais voilà, vous adorez, vous vous disputez en fait, c'est ça le principe? Bah oui, c'est ça. Ouais, bah normal. On est... un peu chien et chat. Ouais, comme n'importe quel garçon de 15 ans. Bon, t'es gamer, tu joues à FIFA, tu joues à Hearthstone aussi? Oui. D'accord. Et aussi alors, un peu à Minecraft. Et à Minecraft. Et alors, bon, tu t'es arrangé pour plugger ta manette Xbox sur ton ordi, c'est ça ? C'est ça. D'accord. Et là, t'as perdu 5-1 sur une partie de FIFA en ligne. T'avais quelle équipe ? Bah, j'étais en ligne sur le mode suite, du coup, il n'y a pas d'équipe. Ah d'accord, ok. Autant pour moi. Bon, alors, le problème, c'est que t'as perdu et que ça t'a énervé et que t'as balancé ta manette et que cette manette est tombée sur l'écran et que cet écran, eh ben, il s'est pété. Tu l'as toujours pas dit à ta mère ? Ça s'est passé quand, ça ? Ça s'est passé lundi. D'accord. Et elle l'a toujours pas vu ? Non, elle l'a toujours pas vu. D'accord. Et alors, tu crois qu'elle va le prendre comment ? Bah, j'espère bien. C'est pour ça que j'essaie de le faire passer ici, mais je pense que ça peut aussi très mal se passer. Mais elle risque de dire, bah tant pis, c'est ta merde, tu vas rester avec ton ordinateur avec l'écran pété. Ça peut être ça aussi, hein ? Bah, aussi. T'attends quoi, en fait, de la chanson ? Qu'elle te paye ton écran ? Bah, en petite partie. Ouais. T'attendais quoi ? Que je t'offre un nouvel ordinateur ? Non, pas du tout. Bah, très bien. On est en fin de saison là, attention, là, parce que les étalages sont vides. Bon, pendant que je suis en train de te parler, Louis, on a ta mère au téléphone, on va lui faire le message et après tu t'expliques avec elle, d'accord ? D'accord. Tu bouges pas, Louis. Laurence est en direct de Reims, bonjour Laurence. Bonjour. Laurence, bienvenue sur Fun Radio, je m'appelle Bruno Guillon. Peut-être que vous avez déjà entendu ma voix, Laurence, peut-être pas. Oui, si, le nom me dit quelque chose. Ah ben voilà, bah écoutez, si vous le nom dit quelque chose, un petit peu de télé de temps en temps, bon voilà, vous savez ce que c'est, on travaille pour payer sa miche, hein, on cotise un peu à différentes caisses. Bon, Laurence, si vous êtes là ce matin, c'est que j'ai un message pour vous. Ah. Message de la part de Louis. Vous écoutez les paroles, on en parle après ? Parce Pardon ? Que je dis, vous écoutez les paroles et on en parle après, je vais vous passer une chanson et la chanson a été écrite pour vous. Ah. Vous écoutez ? Oui, j'écoute. Eh bien, c'est parti, on y va. Ma maman, oui, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Quand j'ai joué à mon ordi, j'ai eu un souci. J'ai pas gagné, je me suis énervé. Et ça a dégénéré, je suis désolé. J'ai pris ma manette et puis d'un mouvement bête, j'ai fait un truc pas chouette, je m'excuse ma monnette. Car cette manette, maman, je l'ai jetée en plein sur l'écran d'ordi, je sais pas ce qui m'a pris. Et je l'ai cassé. Désolé, je vais me faire pardonner. Ça l'a fait rire. Laurence, vous avez compris le message ? Oui, c'est Monsieur Bêtise. Hey, Monsieur Bêtise ! T'es en direct avec ta mère ? Oui, bah voilà. Ça fait depuis lundi, j'ai cassé mon écran. Je sais pas trop comment te le dire, du coup, j'ai décidé de le faire par Fun Radio. Ah, l'écran de quoi ? Mon écran d'ordi ? Ah bon ? Ah, elle avait pas tout compris de Monsieur Bêtise. Ah ben non, mais il a l'habitude de faire des bêtises, donc. Ben voilà, l'écran d'ordi est cassé. Ça coûte 150€ pour le faire réparer, Laurence. Vous en êtes ou pas ? Bah pas tout de suite. Hein. Voilà. Louis, t'as ta réponse. En tout cas, elle prend ça avec le sourire. Ouais, oui, c'est cool. Ça hein. Va, non, mais c'est pas prévu ça. Monsieur Bêtise, maman, j'ai brûlé la maison. Monsieur Bêtise. Elle est cool ta mère. Ça, et Laurence, ne sera pas du même goût, ça. Laurence, je vous trouve très cool, je vous embrasse. Ouais. Elle est morte de rire. Et Louis ? Oui ? On a fait passer la pilule. Maintenant, à mon avis, il faut que tu finisses bien l'année scolaire et puis que tu te bouges le cul à la maison, si tu veux, les 150€, d'accord ? D'accord. On t'embrasse, mon Bisous. Pote. Bisous. Allez, restez sur Fun Radio. Le mec qui a créé la pizza Zlatan, on l'a en direct avec nous dans 3 minutes sur Fun Radio. Hi, it's Diplo on Fun Radio. This weekend, je suis les boss. Diplo démarre vendredi soir en interview avec JB. Tout le week-end, il choisit la musique. Il anime et samedi soir, il vous offre en exclu son mix du Party Fun Live. Hey Fun Radio, what's up? I'm mixing live on Fun Radio. Diplo

et Bruno dans la radio. Sur Fun Radio. Le son. 7h48, merci d'avoir choisi Fun Radio pour vous réveiller. Nouveau Snake. Ça s'appelle Talk. Ça arrive. Puis il y aura Brice aussi. Nouveauté Fun Radio. On dit Seb ou Sib? Oh bah on dit un peu comme tu veux, je pense. Non, je pense qu'on dit Seb. Il y a deux E. Normalement, ah ouais. Ça fait ouais, I. Mais, ouais, mais c'est pas ça fait I qu'on doit dire. C'est ouais. Les artistes. Ils Seb, moi je trouve que Seb c'est bien. C'est bien, c'est vrai. Ça fait marque d'électroménager quoi. C'est cadeau, c'est pour moi. Bon, l'Euro 2016 de foot débute ce soir. Vous le savez, France-Roumanie, ça va se passer au Stade de France. Les équipes, toutes les équipes sont logées un peu partout là. Alors, je crois que à Marcoussis, région parisienne, à Marcoussis, il y a Cristiano Ronaldo et l'équipe du Portugal. Moi, je sais que chez moi, à Pornichet, et ils s'entraînent à Saint-Nazaire, il y a l'équipe de Suède avec Zlatan. L'équipe de Suède avec Zlatan Ibrahimovic. Et justement, du côté de Pornichet, il y a Philippe. Et Philippe, il est patron du restaurant La Gwenelle. Il a fait le buzz là sur les réseaux sociaux. On en a même parlé dans les infos parce qu'il a lancé la pizza Zlatan. Bonjour Philippe. Bonjour Bruno, bonjour toute l'équipe. Bienvenue bonjour. Sur Fun Radio, ouais, Philippe. Bonjour les gars. Ouais, bon, déjà Philippe, est-ce que ça a amené de la suédoise un peu que l'équipe de Suède soit logée à Pornichet? Non, pas du tout. Aucune blonde n'est venue. C'est quand, le premier match des Suédois, c'est quand la rentrée dans la compétition là, dans l'Euro, tu sais? C'est le 13 juin contre l'Irlande. Contre l'Irlande, d'accord. Est-ce que du coup, tu as habillé un petit peu ton restaurant aux couleurs de la Suède? Alors, on a mis aux couleurs de la Suède et bien sûr, on a mis aussi aux couleurs de la France. Bah donc, oui, je me doute. Bah oui, on est partagé, mais on est plus français que Suédois. Quoi. C'est une bonne idée la pizza Zlatan. T'as lancé ça il y a combien de temps alors du coup? Bah, il y a une semaine qu'on a lancé ça. Ouais, et ça marche bien? Ouais, ça marche super bien. On cherchait un moyen, comment faire parler plus de nous que de Zlatan. Donc voilà, on a presque réussi notre pari. Philippe, je viens chez toi ce soir à Pornichet. La pizzeria s'appelle le restaurant de la Gwenelle. Ouais. Si je te demande une Zlatan, il y a quoi dessus? Alors, sur la Zlatan, il y a de la viande de bœuf hachée, de la viande de porc hachée, des pommes de terre, des oignons, de la crème fraîche, avec du piment, de la muscade et du sel, du poivre, un œuf et de la mâche nantaise, parce qu'on est nantais avant tout, donc voilà. Mais c'est hyper chargé. C'est pas lourd, hein, c'est ce que j'allais dire. Non, c'est pas lourd. Bah, ça a du caractère, quoi. Tu manges ça et après, tu vas faire une petite sieste dans ton caca. Canapé. Mais alors, est-ce que vous allez essayer d'en faire livrer une, du coup, à Zlatan, essayer de lui faire goûter au moins votre pizza? Ouais, bah c'est le rêve, on essaye, mais c'est hyper compliqué, quoi. Donc, Vous n'êtes pas allé dans l'hôtel où ils sont, là? Non, tout est barricadé, on ne peut pas y accéder. Ouais, donc, j'ai le doute, ouais. Et tu peux pas en faire aussi avec des joueurs français, genre la pizza, je sais pas, Giroud avec des poils de barbe, la pizza Ribéry avec les restes? Bah, on aurait pu faire ça, non, on a fait quand même un burger typique français avec du camembert. D'accord. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Le restaurant s'appelle La Gwenelle. Voilà, je te fais de la pub parce que t'as pris 5 minutes pour passer ce matin. Ouais. Donc, il y a de la pizza Zlatan, mais pas que. C'est à Pornichet. Ouais. C'est la ville. Alors, ils dorment là-bas ou ils s'entraînent là-bas? Ils dorment là-bas et ils s'entraînent à Saint-Nazaire. Ouais. D'accord, ok. Bon, ben, je t'envoie, ouais, Philippe. Moi, je te lance un défi. J'ai vu que c'était ce soir Bruno dans ton salon. Moi, je peux faire Bruno dans mon restaurant. Bientôt. Fais attention, mec, fais attention. On peut venir à côté. Pas de soucis, hein. pas de soucis. Parce que, en plus, nous, tu sais, on est en boîte ce soir avec. Alors, du coup, on va. Je le dis parce que ce soir, on avait une soirée Bruno dans ton club prévue à Nantes, à la discothèque Le Loft. En général, Bruno dans ton club, il n'y a que Elliot et moi. Mais là, du coup, on va se barrer avec toute l'équipe. Ouais. Donc, ce soir, si vous êtes du côté de Nantes au Loft, il y aura Vaché, il y aura Christina, il y aura toute l'équipe de Bruno dans la radio. On est une douzaine, donc je préfère vous le dire. Bruno peut venir en Pornichet manger la Zlatan avant d'aller en club. Eh bah, fort. Philippe, on t'embrasse. Merci d'être passé. Moi aussi, je vous embrasse. Ciao. Bisous. C'est que c'est ça? Non. Je sais pas, c'est bizarre. C'est un rapport avec la discussion qu'on vient d'avoir. Ah, c'est le grand-père de Zlatan? Non. C'est la première chanson d'encouragement pour les Bleus, non? Non, c'est l'hymne de la Suède. Je préfère la nôtre. Tiens, et vous savez quoi? Je vais vous faire découvrir les différents hymnes des pays européens là, qui participent à l'Euro. Il y en a qu'on connaît forcément, l'hymne anglais, l'hymne portugais, on les connaît. Mais par exemple, l'Albanie, c'est quoi l'hymne d'entrée de l'Albanie? Ha! Et vous aurez la réponse là, dans moins de 10 minutes sur Fun Radio. Pour l'instant, Zara Larsson et David Guetta. Salut, c'est David Guetta sur Fun Radio, le son dance floor. On a des propositions d'accueil là pour l'opération Bruno dans ton salon ce soir. Toute l'équipe de Bruno dans la radio débarque chez vous. On vient chez vous regarder le match. On s'occupe de la bouffe. Hein. On remplit le barbecue s'il faut. On remplit le frigo. On va faire la fête avec vous pour le match de l'équipe de France. Il y a des propals qui arrivent là dans le 4-4, dans le 50, dans le 0-6. On va prendre des auditeurs en direct après le JPI. Le JPI vous est présenté par la grosse émission. Tous les jours sur Comédie Plus à 18h22. Environ. Fun. Le JPI sur Fun Radio. Journal pas en image, faux journal de l'émission, c'est la deuxième édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia et voici l'édition de 7h50 du JPI. Et pour commencer, événement, ce soir c'est le début de l'Euro de football avec le match France-Roumanie. Bonne chance et bon courage. Au bleu. Bah surtout à l'auditeur chez qui on va débarquer ce soir à 12 dans son salon pour mater le match. Tactique, ce soir pour le match France-Roumanie, Giroud sera en pointe de l'attaque pour marquer et Benzema sur son canapé pour l'insulter. Ce soir, c'est donc le match d'ouverture de l'Euro France-Roumanie au Stade de France. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Oui, je suis fin prêt pour le match de ce soir. J'ai ma télé-écran géant, mes bières, mes chips et mon sparadrap. Pourquoi du sparadrap ? Pour ma femme, pour qu'elle la ferme pendant le match. Ah, vous pensez vraiment à tout, Anthony. À dans une heure pour un nouveau reportage. Et pour finir, si vous aimez l'Euro de foot et les émissions d'M6, allez dans une fan zone interdite. Voilà, c'est la fin du JPI. Tout à l'heure, nous serons tout à l'heure. Alors, à tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est vendredi. Oh putain, c'est vendredi.

Je suis avec elle. Une phrase de Barack Obama en soutien à Hillary Clinton. Le président américain a affiché son soutien à la démocrate dans la course à la Maison Blanche face au républicain Donald Trump. Enfin, l'établissement Français du Sang lance un appel toute la semaine prochaine. 300 lieux de collecte vous accueilleront partout en France. Pour donner votre sang, il faut être majeur, en bonne santé, répondre à un questionnaire de santé directement sur place. Vous retrouvez toutes les infos sur jedonnemonsang.net. Il est 8h04, bon réveil et bonne matinée sur Fun. C'est Bruno dans la radio, bienvenue. Fun Radio. Vendredi, c'est le 10 juin, c'est Fun Radio que vous écoutez, il est 8h04, bonjour. Bonjour. Oh putain, c'est vendredi. Mais oui, c'est vendredi les amis, ça n'est pas un vendredi comme les autres. Non, ce vendredi, c'est le jour d'ouverture de l'Euro 2016 de foot. Stade de France, 21h. L'équipe de France affronte la Roumanie. Qu'on soit football ou qu'on ne soit pas football, une chose est sûre, un match de foot, c'est un truc qui permet de faire la fête. C'est un truc qui permet de boire des coups. Eh bien, ce soir, nous avons décidé de faire quelque chose. Et je peux vous dire qu'une équipe de radio n'a jamais fait ça avant nous, puisque c'est impromptu, on l'a décidé hier dans l'après-midi, on le fait ce matin. Ce soir, on regarde le match de foot en famille. Mais comme on dit que la famille, c'est la famille Bruno dans la radio. La famille Bruno dans la radio, c'est toi Christina, c'est toi Vacher, oui. C'est toi Elliot, bonjour. C'est toi Fonf à la Réal, c'est vous oui. L'équipe du JPI, et c'est vous auditeurs de Fun Radio. Et bien ce soir, le match de foot, on le regarde chez vous. On a préparé nos sacs. Attendez-vous à voir 12 personnes débarquer ce soir, où que vous soyez en France. Et pourtant, il faut qu'on soit à 2h du matin à Nantes avec Elliot. Ouais. Mais le patron de Fun Radio nous a dit, je vous mets à disposition ce qu'il faut pour vous balader en France et que vous soyez à 2h à Nantes. Donc je lui fais confiance. Hashtag Bruno dans ton salon. On débarque chez vous, vous avez un appartement, on s'arrange, on vient avec les pizzas. Mais même un studio, hein, si ouais. Vous n'avez pas peur, on débarque aussi dans un studio. Hein. Bon, le truc, il faut quand même que vous puissiez loger 12 personnes. Voilà. On ne va pas dormir chez vous. Non. On fait juste le match. Après, si jamais on part dans la région de Nantes et dans le coin, bah, vous venez avec nous en boîte. On est ce soir Bruno dans le club, discothèque Le Loft. Ouais. On vous emmène avec nous pour faire la teuf. Et puis, si on n'est pas dans la région de Nantes, bah, on reprend un avion ou un hélico, nous a dit le patron de Fun, et puis on vient à Nantes avec, avec Elliot. Et je vous rappelle qu'on s'occupe de tout. On va faire les courses avant de venir ouais. Chez vous. On s'occupe de la bouffe, de l'alcool, de tout. Et puis, si vous avez une petite télé, vous dites ouais, alors moi j'ai un petit appart qui dit petit appart, petite télé, bah c'est pas grave, on s'arrête avant chez un Conforama ou un Darty, on achète une grande télé qu'on va mettre chez vous, puis on vous la laisse. Et on vous la laisse, attention, hein, on vient pas à l'arrache. De toute façon, Bruno, stop, je crois qu'on a notre gagnant, c'est Antoine Vinet qui est à 30 minutes du loft de la boîte tournée, donc ça va, et surtout qui travaille dans un kebab et qui se propose de nous faire des kebabs et boissons à volonté toute la soirée. Attends, moi je suis pour. Sabrina, elle est à Antibes, bonjour Sabrina. Bonjour. Bonjour la famille. Salut Sabrina. Sabrina, alors, qu'est-ce que tu nous proposes, toi, si on débarque à Antibes? Antibes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend l'avion, on se pose où? À Nice? À Nice. Ouais, alors, et donc chez toi, il y a quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, chez moi, il y a une belle terrasse, il y a un barbecue tout neuf, WW, il attend plus que vous, barbecue plancha, vue mer. Oh là là. Ah, ouais. Ah, ça donne envie, ah là, ouais. Là, j'avoue, en plus... Et la météo sur Antibes ce soir, c'est pas mal, je crois, dans le sud de la France. Bah, c'est juste magnifique, comme d'hab. Ouais, ouais, ça vous a eu cet avantage dans ouais. Le sud. Aïe, aïe, aïe. Je prends note, Sabrina, je t'embrasse. Bonjour, Tiphaine. Salut, Bruno. Salut, la famille. Salut. Salut. C'est où, des fracs? Drifiac, c'est à côté de Pontchâteau, dans le 44. On est à une demi-heure de Nantes. Ah bah d'accord, ah. Oui, je vois très bien où c'est. Ça, c'est vrai que ouais. Ça nous éviterait de reprendre un avion ou une connerie ouais, après. Bon, et alors, on a quoi chez Tiphaine? Alors, chez moi, on a une maison avec du jardin, un petit barbecue, un nouveau canapé dans mon salon et une grande table pour 12. Ah, ah génial. Alors, attends, parce que moi, je dis, on débarque à 12 l'équipe, mais suivant chez qui et l'auditeur chez qui on part, si vous avez des potes ou de la famille, vous pouvez ouais, bah, les inviter. Il y a qui chez toi, par exemple, ce soir? Alors, chez moi, déjà, il y aura mon chéri. Et ah. Après, je vais voir avec des copains, des copines ouais. Et mon bébé. C'est, hey, ça peut toujours oh, faire rire. Ah, stop, alerte, ouais, mon stop. Chéri, mon bébé, puis ça va, quand on sert à quoi. Les amis, c'est Bruno dans ton salon, pas Bruno dans ton cul. Comment, Vaché, excuse-moi de te dire. Excuse-moi, il y a eu mésentente. Il y a eu mésentente au début. Il y a eu Maldon. Il y a eu Maldon. T'as pas compris la démarche de l'opération. Non, absolument pas. Je me retire de cet événement. C'est extraordinaire, l'autre. Il est en train de chiner en direct depuis 6h du matin. Mais non. Bon, Tiffaine, c'est vrai que l'avantage de Tiffaine, c'est qu'elle serait pas loin de Nantes et ça pourrait nous arranger. Ben, on verra, Tiffaine, je te fais des bisous. Jordan, il est à Moyonneau. Bonjour, Jordan. Salut Bruno, salut la famille. Salut. C'est où Moyonneau? C'est Moyon. Ah d'accord. Ça s'appelle. Et regardez, il y a tout de suite Loseman qui est en train de regarder l'affiche. Il fait, c'est pas moi. Alors qui est qui Moyonneau là, les deux quiches? C'est qui? C'est Amélie ou? Pour une fois que c'est moi. Ah ben. Bah, pour une fois. Excuse-moi, Madame la Princesse. Si on vient dans la Manche, Jordan, on a quoi chez toi? Alors chez moi, il y a une maison, il y a une terrasse, il y a un barbecue, il y a une grande table pour tout le monde, il y a un grand canapé, bien sûr une télé pour mater le match. Ouais, et moi, l'essentiel, ce qu'il nous faut, c'est qu'il y ait au moins de quoi recevoir la télévision. Ah bah ouais. Après, vous prenez petit appart, grande maison, etc. On s'en fout. Alors moi, je m'en fous complètement. Hein. Le but, c'est qu'on passe un moment ensemble. On se croit dans l'émission de Stéphane Plaza, quoi. Ouais. Bruno, il va falloir faire des concessions. Il va pas pouvoir tout avoir. Jordan, bah, peut-être à ce soir. Peut-être à ce soir chez vous. Qui de l'équipe a essayé de chanter et a fait juste un et il s'est arrêté en se disant c'est de la merde. À ton avis. C'est moi. Je voyais que mon micro était éteint. Dans 3 minutes en direct sur Fun Radio, je paye de la facture après Erai Streffi. Hi, it's Erai Streffi with Bruno on Fun Radio. Hashtag Bruno dans ton salon, c'est un truc de ouf là. Il y a des gens qui envoient des messages en disant mais jurez que vous faites ça, ça n'est jamais arrivé. Ben oui, ça n'est jamais arrivé, mais on est là pour créer des trucs. Oui, on vient chez vous directement. Voilà. C'est un peu à l'improviste, mais on arrive chez vous ce soir. Mais... ou cet après-midi. Attention, nous on peut arriver, on peut commencer à faire la teuf en début d'après-midi. On est un peu bouillasse, hein, je tiens à vous dire. Là, c'est la fin de saison, on a envie de se lâcher. J'avoue. Voilà, on va pas se mentir. Bon, si y a Sean Paul. Le vendredi sur Fun Radio. On vous choisit un mashup. Là, c'est le mashup entre Sia Sean Paul et Alan Walker Faded. Comme je disais tout à l'heure, il y a une partie un peu calme, tu vois, à l'image des deux morceaux, puis après, ça accélère. Il y a une témon. C'est les DJ From Mars qui ont fait le mashup, et je peux te dire que ça, quand tu l'envoies en club, tu te prends une claque dans la tête. Écoutez ça! Ça arrive sur Fun Radio, mais pour l'instant, je paie de la facture. Bruno, paye vos factures avec Cdiscount. Tous les jours, 7h10, 8h10, en direct sur Fun Radio. Je suis le seul animateur radio de France à payer vos factures. Et alors, on paye toutes les factures, mais cette semaine, particulièrement à 8h10, on s'est associé à Cdiscount pour payer des télés que vous avez achetées sur le site de Cdiscount pour l'euro. Et alors, sachez que là, on va payer une première facture et une deuxième facture va être payée dans la journée. Pour ça, il faut surveiller nos réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, Instagram, avec les comptes Bruno Fun Radio. Avec n'importe quel animateur de Fun Radio, du coup, qui peut appeler pour payer la facture. Exactement. Tous les animateurs de Fun Radio sont dans la vidéo de soutien pour les Bleus. On l'a mise en ligne là tout à l'heure, il y a une demi-heure, toute l'équipe de Fun Radio. Et alors c'est bien parce qu'on a mis les noms, tu sais, des fois vous écoutez une radio que vous découvrez depuis peut-être quelques jours, vous étiez fidèle d'une autre radio, puis vous êtes passé sur Fun Radio, merci pour ça. Il y a des gens que vous entendez, des gens que vous aimez bien, vous dites j'aimerais bien mettre un visage sur le nom. Et bien vous allez voir la vidéo, il y a toute l'équipe d'antenne et même ceux qui bossent en coulisses, qui sont ceux qui font le succès de Fun Radio. La vidéo de soutien aux Bleus est en ligne. facebook.com/Bruno dans la radio et bien entendu sur funradio.fr. Facture qui nous emmène ce matin à Pau. On part dans le 64, les amis, direction les Pyrénées-Atlantiques. On part chez Benjamin. Oui, allô ? Allô, Benjamin ? Oui. Bonjour, Benjamin. Bonjour, Bruno. Eh ben voilà, c'est dit, allez hop. Yeah. Oh, oh, c'est génial. Benjamin, tu as quel âge? Tu fais quoi dans la vie à Pau? Alors j'ai 24 ans et je suis ingénieur dans l'aéronautique. D'accord, c'est classe ça. Ingénieur dans l'aéronautique sur le développement des avions ou alors des appareils qui vont dans l'espace, des satellites? Là c'est les moteurs pour hélicoptères. Moteurs pour hélicoptères. Ah ben, wow, c'est tout à fait. Ouais, très bien. Bon, tu m'as envoyé une facture de 779,99€. C'est une télé. Exactement. Que tu as achetée chez Cdiscount. Télé à 800 balles, t'es parti sur un beau modèle mon pote. Hein. Tu t'es fait plaisir. Ouais, en fait, je me suis dit, si j'achetais le milieu en taille, un jour, je voudrais acheter plus gros. Donc, quand tu quittes à acheter plus gros, bah, j'ai pris quoi. Donc, c'est quoi? C'est quel modèle? C'est Samsung. Oh, et encore un Samsung. Mais ouais. C'est fou. Samsung sur le marché de la télé, depuis lundi, on est tombé que sur des Samsung. Elles sont belles. T'as quoi chez toi? Une Samsung. Ouais, moi je leur fais, ouais, je leur fais de la pub. Mais... Bon, en vrai, je connais pas la marque parce que j'avais pris la moins chère et du coup, je sais pas ce que c'est. J'avais juste regardé le truc. Ouais, c'est une grande un. Ouais. Non, c'était mais, une. Et tu déconnes, mais j'ai une grande un dans ma chambre. Bah, c'est pas mal. Ma première télé, c'était une grande un. Ça se dit pas grandine? Non, ça se dit grande un, mec. T'as Hoyer aussi. Ou Telefunken. Non, Telefunken, c'était une bonne marque à l'époque, ouais. Bon, Benjamin, ta télé à 779,99€, te prends pas la tête, c'est moi qui la paye, d'accord? Ah, c'est cool, merci vraiment. Eh ben de rien, mon pote. Je t'embrasse, passe une belle journée. Bon, écoute, on essaye, on essaye. On te fait des bisous. Les meilleurs, je sais pas, mais on y met du cœur. Calvin Harris, Rihanna, ça va arriver dans la demi-heure. Hé hey. Oh, ce serait pas Mathieu? Monsieur, oui. Monsieur Canabi est de retour, ça fait plaisir, asseyez-vous. Vous avez peut-être raté ce moment de radio hier, Mathieu Canabi. On avait essayé de l'avoir au téléphone, mais on ne savait pas où l'appeler. Donc on était tombé sur un Canabi en France, mais qui n'avait rien à voir. Et hier, sa mère nous a appelé. On a eu la mère de Mathieu Canabi au téléphone et Mathieu Canabi qui était derrière. Ils nous ont fait la surprise, ils ont chanté en live au téléphone. Un truc de fou quand même. Ah, c'était énorme. Bon, ça passera dans la demi-heure et puis à 8h30, en jouant au 32-28, vous allez partir à Ibiza. Autant vous dire que vous avez bien choisi Fun Radio. La radio numéro 1 sur les nouveautés, c'est Fun Radio. Benny Benassi et Chris Brown. The Chainsmokers. Galantis. Yo, what's up? This is the Major Lazer crew right here on Fun Radio. La radio qui joue le plus de nouveautés, c'est Fun Radio. Le son dance floor. Hello les filles, c'est Sananas. Vous en avez marre d'attendre le soleil? Je vous le dis souvent, mais la poudre bronzante, c'est LA solution pour avoir bonne mine. Du coup, chez Sephora, avoir un teint bronzé sans soleil, c'est super facile. Au Make-up Bar, de super pros sont à votre dispo pour tout vous expliquer. Résultat? Un teint californien et les conseils qui vont avec. Moi, je valide. Et en plus, c'est gratuit et sans rendez-vous. Sephora.

to the floor and make me see your energy figure. Me not play no hide and seek. This is the thing you want to make me feel weak, girl. Free. Anytime I whine and cash it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Me not touch a dollar in my pocket, got nothing in this world ain't more than what, girl. Mashup du vendredi, on le doit au DJ From Mars, celui-ci. Hein. C'est bien ça, mon fond. Ils font des trucs de ouf. Hein. Ouais, on leur doit beaucoup à cela. Hein. Je te confirme. Non, rassure-toi, Vachy, on doit, c'est une façon de parler. Hein. Ah, c'est pas de la thune. Non, ça va. T'inquiète. Tiens, on a une petite auditrice qui m'a laissé un message en vidéo. Il y a son papa qui est venu ce matin. Viens là, mon pote, parce que comme chaque jour, on a du monde qui vient nous voir ici en s'inscrivant via bruno@funradio.fr. C'est quoi son prénom ? Éloane. Éloane, elle a quel âge ? Elle va avoir 4 ans. Eh ben, Éloane, je te fais des bisous, ma chérie. Il paraît qu'elle est en voiture avec sa mère, donc je fais un petit bisou. Bisous, Éloane ! Calvin Harris, Rihanna, ça arrive. Et puis tiens, je fais un bisou à Anatole aussi, mon fils, qui est aussi en voiture. Mais bisous, Anatole ! Allez, bisous, envoyez Anatole. Les prénoms de vos enfants, là. On va faire une demi-heure enfant. Allez. Et, d'ailleurs, le prénom de ta future... De ta chose. De ta future fille, on sait pas. Non, c'est un fils. C'est un garçon, tu suis. Ton mère, t'es pas au courant. C'est sympa de... Ça a changé parce que j'ai eu Mariana au téléphone. Ah bon ? Ça a changé, ça a changé. Non, c'est un petit garçon, mais on va choisir, je pense. En fait, on est dans un délire où on s'est dit quand il va naître, on va choisir à ce moment-là. Donc c'est un gros risque, mais j'ai vraiment envie de prendre ce risque. Fais gaffe parce que attendre le dernier moment, il peut s'appeler Chewbacca. Hein, tu vois. People. Les people de Christina. Allez, l'actu people de ces dernières heures. Christina, le sommaire. Alors, ce matin, je vous dis ce qui va faire la une des magazines People ce week-end. Beyoncé serait une copieuse. On va surtout parler de Justin Bieber aussi, qui s'est bastonné avec un mec. Cristiano Ronaldo se lance dans le X et Luca Digne nous dira à quel âge il a fait l'amour pour la première fois. Comme chaque vendredi, on commence avec la une des magazines People. On a quoi au sommaire ce matin ? Alors, c'est surtout Closer, en fait, qui fait fort ce matin, puisqu'en une, c'est Mindy, la fille cachée de Loana. Ah, fais voir. Qui fait la couverture, donc elle ressemble à ça. Ouais. Et alors, il y a un grand témoignage dedans où elle parle de sa mère. Alors, je vous ai fait quand même quelques petites sélections. Elle a tout juste 18 ans, elle habite à Antibes, elle est en terminale ES. Alors, elle dit qu'en fait, sa mère, elle l'a quasi jamais vue de sa vie, que c'est son père qui l'a élevée. Ouais. En gros, elle était à la DAS jusqu'à l'âge de 3 ans. Et à 3 ans, il y a la mère de son père qui l'a vue en photo dans un magazine People et qui ne savait même pas qu'il avait une fille. Il l'a récupérée. Uh-huh. Et donc, c'est lui qui l'a élevée. D'accord. Alors maintenant, elle dit que voilà, elle ne connaît pas sa mère. Elle n'a pas très envie de lui ressembler, c'est ce qu'elle dit. Mais en revanche, qu'elle lui laisse la porte ouverte si toutefois elle veut revenir vers elle. En fait, Mindy, la fille de Loana, je crois qu'elle était encore coincée dans son ventre. Non. Qu'elle avait grandi dedans. Ben oui, je me suis dit, c'est 18 ans, il faut accoucher, madame. Sinon, à la une de Voici, il y a Jean Dujardin qui prend soin de sa fille. Et puis à la une de Public, c'est Karim Benzema. Il paraît qu'il est heureux de ne pas faire l'euro. Il est en train de faire la fête chez son pote Neymar avec sa nouvelle meuf à Los Angeles. À base de pool party avec Justin Bieber et tout. Voilà. Genre, il est heureux. Tu sais, c'est comme la fille que tu quittes. Elle est hyper triste, mais elle fait genre non, mais je m'amuse. Elle met des photos sur Facebook. Ouais, genre non, regarde, je suis passé à autre chose. Puisqu'on parle de Justin Bieber, il a fait encore parler de lui ce matin. Ouais. En fait, il s'est fait mais allongé par un mec. Ça s'est passé à Cleveland dans la nuit de mercredi à jeudi. Il s'est pris un coup de boule par un mec, on sait pas encore pour quelle raison, mais il y a les photos et les vidéos qui sont parues ce matin. C'est assez impressionnant, mais rassurez-vous, il n'a aucune trace sur son visage. Ah. Cristiano Ronaldo a inspiré une société de production de films X. Oui, c'est une société portugaise. Donc c'est un film inspiré de sa vie qui va être tourné, un film X. Ça va s'appeler Les Ronaldas. Voilà. Et donc le joueur n'a pas encore réagi à cette info. On sait que là aussi beaucoup de gel sera utilisé, mais pas forcément pour les cheveux. Allez, on finit avec Lucas Digne. J'adore ce mec, il fait bien sûr partie de l'équipe de France. Et donc j'ai posé cette question: à quel âge tu as fait l'amour pour la première fois? Écoutez. Moi c'était à 16 ans. 16 ans pour Lucas Digne, Christina. 15 ans et demi. Vaché. 16 ans et demi. Elliot. 19 je crois, c'était tard. Et toi Bruno? 14. 14. Wow. Ah oui, attends, on a dit pas les curés hein. C'est marrant toi. Bécosse. Calvin Harris, Rihanna, ça va arriver là dans moins de 10 minutes sur Fun Radio. Et puis si vous appelez le 3228, vous partez à Ibiza. Ibiza, Ibiza. Nous allons fêter l'ouverture de la saison d'été d'Ibiza et la fin de saison de Bruno dans la radio grâce à Mike Posner. Et vous allez prendre une pile à Ibiza. Mais payez-le. On vous emmène à Ibiza avec nous, 3228, jeu des 30 secondes après les news. Bon, pour ma voiture, j'ai... Alors, si je peux me permettre, on n'a pas de Tourolf, de Golfinel, de Tiguaran, de Pololf, ni de Passaran, ni de Tiguolf, et on n'a pas non plus de Toussat. Ah, pas de Toussat? Non. Bon, de toute façon, j'ai toujours préféré le Chassat. Le plus dur, c'est de choisir. Jusqu'au 12 juin, bénéficiez d'un crédit à 0% sur toute la gamme Volkswagen. Pour 15 000 euros empruntés, 1 500 euros d'apport, 36 mensualités de 416,67 euros, montant total du 15 000 euros. Sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank, détails sur Volkswagen.fr. Portes ouvertes les 11 et 12 juin selon autorisation et réseaux participants. Électro, dépôt. Se faire plaisir avec un barbecue de qualité à prix bas, c'est électro-facile. Chez Electro Dépôt, le barbecue électrique iOne garantie 2 ans, échange à neuf, est à 15,98€. Oui, 15,98€. Electro Dépôt, habituez-vous à acheter moins cher. Éco-participation de 16 centimes. Electro Dépôt, élu meilleure chaîne de magasins multimédia électroménagers de France. Carrefour Market. Depuis que j'ai découvert le quinoa, le tofu, le boulgour, j'essaie plein de nouvelles recettes, mais j'ai pas toujours le temps. Mais simplifiez-vous le travail, Michel. Jusqu'au 12 juin chez Market, il y a 30% de remise immédiate sur une sélection de repas salés céréales bio. Avec vous, tout est si simple. Et c'est aussi valable sur de nombreux produits de marque. Décidément, vous êtes bio et intelligent. Carrefour Market, le plein de fraîcheur et d'économie. Voir détails et magasins participants sur carrefourmarket.fr. Disponible dans les drives Carrefour Market. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Avec Oasis et Orangina, c'est la Quick Cup dans les restaurants Quick. Repart avec un ballon de foot pour seulement 5 euros à l'achat d'un menu XL. Vite ! Quick, un goût de légende. Cup égale coupe. Offre valable du 30 mai au 11 juillet 2016. Liste des restaurants participants sur quick.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Maman, il y a un mot dans le carnet. Il faut un gâteau pour la kermesse de l'école. Ah oui, moi aussi. Hé, hey, doucement, j'ai pas quatre mains. Heureusement, j'ai Alza et son fameux moelleux au chocolat. Ils adorent tous. En plus, sur alza.fr, il y a plein d'idées de gâteaux rigolos. Génial! Je veux le gâteau château fort. Gâteau à préparer? Alza.fr. Pour votre santé, bougez plus. Géant, jusqu'à samedi, un concert de prix bas avec des remises immédiates de 25% sur une large sélection de téléviseurs de marque. Par exemple, ce téléviseur LED 80 cm Panasonic à 208,82€ au lieu de 278,43€. Rendez-vous vite dans votre Géant, les stocks sont limités. Les prix bas, c'est Géant. Dis, oui. On s'offre un beau cadeau. Oh là, mais... Pour ses 20 ans, Bouygues Télécom propose la B-Box Miami à 14,99€ par mois. 14,99€ Et la fibre est au même prix. Beau cadeau. T'es emballé? Chez Bouygues Télécom, pour nos 20 ans, encore plus de plaisir avec la technologie. Cette semaine, profitez de la B-Box Miami avec Android TV pour seulement 14,99€ par mois pendant un an au lieu de 26,99€. Appelez gratuitement le 3106. Location box 3 euros par mois, engagement 12 mois, offre soumise à conditions et éligibilité. Hashtag Bruno dans ton salon, c'est ce que vous utilisez sur les réseaux sociaux, les amis, sur Twitter, sur Instagram. Là, si vous voulez que ce soir toute l'équipe de Bruno dans la radio débarque chez vous, c'est pas des conneries, hein. On va arriver chez vous, on peut amener les pizzas si vous êtes dans un appart, la bouffe si vous avez un barbecue ou une plancha, on s'occupe de tout, mais le match on le regarde chez vous et avec vos potes. Hashtag Bruno dans ton salon, on choisira tout à l'heure à 9h, on va partir. On va revenir en direct sur Fun, là, juste après les infos. Fun Radio. Le son. Dance. Fla. Fun. Et c'est Justine Salmon pour les infos de ce vendredi matin. Salut Juju. Salut Bruno, bonjour à tous et on y va pour la météo. C'est partagé si vous vous trouvez sur la moitié est du pays. Bonne pioche, ce sera du soleil pour vous. En revanche, sur la moitié ouest, ce sera du gris et de la pluie. Les températures, ça va de 10 à 16 degrés ce matin. Et cet après-midi, on attend 19 à Brest, 20 à Limoges, 21 à Strasbourg et 25 degrés à Fréjus. Et si on regarde le week-end, c'est pas fou. Il va faire beau dans le sud et ce sera pluvieux en revanche sur les trois quarts de la France. Et attention, Météo France vient de placer trois départements de l'ouest du pays en vigilance orange. Le Finistère, les Côtes d'Armor et le Morbihan. Les orages vont arriver dès le milieu de la matinée pour une bonne partie de la journée. Pendant un mois, on va se lever, on va manger, on va dormir foot. L'Euro démarre ce soir en France. Au total, 51 matchs répartis dans 10 villes et 10 stades, notamment à Paris, à Lyon ou encore à Lille. Le coup d'envoi pour les Bleus, c'est ce soir à 21h au Stade de France. Et on a été vous demander votre pronostic sur les Champs-Élysées à Paris. Moi, je vois bien un petit 2-1, parce qu'ils sont fébriles en défense. 2-0, soyons positifs. 3-0 pour les Bleus. Moi, je dirais 2-1, parce que la Roumanie, quand même... La France va gagner avec minimum 3 buts d'écart. Griezmann va marquer, Pogba et je pense Payet. On va gagner 10-2, Koscielny, Varane et Benzema. Bien sûr, France-Roumanie, c'est donc ce soir à 21h. Et si vous souhaitez que toute l'équipe vienne mater le match chez vous, il est encore temps de tweeter avec le hashtag Bruno dans ton salon. Niveau des grèves, on en est où? Eh bien, la SNCF poursuit son mouvement. Mouvement d'ailleurs renforcé aujourd'hui sur les lignes B et D du RER. Et chez les éboueurs, ça continue également à Paris et dans le sud. Et puis, si vous avez prévu de prendre l'avion ce week-end, sachez que la grève Air France débute demain. Rapidement, un petit mot de tennis et un nouveau coup dur pour Rafael Nadal. Après avoir dû abandonner Roland Garros, il doit faire une croix sur Wimbledon à cause de sa blessure au poignet. Il est à 8h35 et c'est Bruno dans la radio. Bon réveil sur Fun et bonne matinée. C'est Bruno dans la radio sur Fun Radio. Fun Radio, le son Dance Floor de Calvin Harris et Rihanna. Ça arrive là sur Fun Radio. Dans moins de 5 minutes, pour l'instant, on joue. Le jeu des 30 secondes. Tic-tac, tic-tac, Fun Radio. Le jeu des 30 secondes. Le jeu des 30 secondes ce matin, il y a Mathieu. Il est toulousain, Mathieu. Il a 29 ans. Il est assistant mandataire judiciaire. Ça classe. Dès que t'as judiciaire dans un CV, ça fait classe, je trouve. Applaudissements pour Mathieu. Salut Bruno, salut toute l'équipe. Salut mon Mathieu. Bruno dans la radio. Oh, ça va mon Mathieu? Eh ouais, nickel, ouais, ouais. Comme bienvenue. Tous les matins, je t'écoute et je vous écoute. Eh ben ça fait plaisir. Merci. Ce matin, t'es face à Catriona, c'est joli comme prénom ça. Elle est lilloise, elle a 23 ans, elle est assistante de direction. Applaudissements pour Catriona. Les soirées de samedi soir. Salut Catriona. Catriona, je disais, c'est un beau prénom, c'est quelle origine? En Belgique, Catherine, dans les pays nordiques. Dans les pays du Nord, d'accord. Exactement. Très bien. Et ben, je trouve ça vachement beau, Catriona. Super gentil. Catriona, Mathieu, j'ai une proposition à vous faire. Vous me dites oui, vous me dites non. Est-ce que ça vous plairait de partir fêter la fin de saison avec toute l'équipe de Bruno dans la radio, tout frais payé à Ibiza? Ah oui. Oui, Bruno, ça serait énorme. Quand je dis vous partez avec nous à Ibiza, je le disais hier, mais c'est important parce que c'est vrai qu'on a eu une auditrice qui avait gagné l'année dernière, qui est venue témoigner lundi, mais quand je dis on vous amène avec nous, on vous pose pas à Ibiza et on vous snob pas pendant 3 jours. Vous partez, vous faites partie de l'équipe de Bruno dans la radio. Ça veut dire que on va se faire l'émission de radio, bah vous serez avec nous forcément, mais après on va aller déconner un peu à la piscine, à la plage. Ouais, ah oui. Bah vous serez avec nous. On se fait des restos, on vous emmène. Si on sort en club, bah on vous emmène forcément. On boit des coups, on vous paye un coup, voilà. Et puis les filles et nous, on va aller bronzer près de la piscine aussi, exactement, tu vois, voilà. Ah ouais, trop plaisir. En maillot de bain, on va vous voir en maillot de bain. Ouais. Et tout ça, vous le faites avec nous. Il y a eu problème. Bah, on est chaud, il n'y a pas de problème. La règle du jeu des 30 secondes est simple. Vous allez choisir quelqu'un de l'équipe qui, en 30 secondes, va tenter de vous faire deviner un maximum de mots. Celui de vous deux qui aura trouvé le plus de mots viendra avec nous à Ibiza. Et en plus, il pourra choisir une personne pour l'accompagner. Okay. Votre meuf, votre okay. Mec, un copain, c'est vous qui choisissez. Mathieu, Catriona, la question est la suivante. Avec qui voulez-vous jouer en sachant que hier... La personne qui a gagné le jeu des 30 secondes, c'était Yo-Yot, Elliot. C'est Yo-Yot, oui. Donc vous avez le droit de choisir n'importe qui sauf Elliot. Mathieu, tu veux jouer avec qui? Moi, je vais prendre avec Vaché. Wow! Catherine, ça fait plaisir, ça. Tu veux jouer avec qui? Moi, je veux jouer avec Christina. Oh, la pression pour le dernier jour. Wow. Allez, on va y arriver. J'ai quand même une longue période sans jouer, moi. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'on m'a mis au banc du jeu des 30 secondes. Mais non, ça va revenir. Ça va, ça vient. Elliot, tu as gagné hier. Qui commence? Christina. Ok. Christina avec Catriona. On y va. Catriona, je te rappelle que Christina ne connaît pas la liste des mots, donc elle n'a pas pu réfléchir en amont à ce qu'elle allait te dire. Elle découvre la liste au lancement du chrono et 30 secondes, c'est pas une seconde de plus pour deviner un maximum de mots, d'accord ? Parfait, parfait, on y va. Cri, t'es prête ? C'est parti. Top chrono. Ok, alors quand un joueur de foot marque un 1, tout le monde est content. Ah oui, pour promener ton bébé, tu utilises une ? Poussette. Ouais. Devant chez toi, tu peux mettre soit un mur ou alors du... C'est des fils, en fait. Non, c'est des fils qui sont mêlés. Du grillage. Oui, du grillage. Le lion, il fait quoi? Le cri du lion. Oui, le verbe. Rugir. Oui, les gens qui bossent sur la plage. Merde. Sur la route, c'est revêtu de... Sable. C'était du goudron. Sur la route, de sable, mais t'habites dans quelle ville, à Limoges? J'ai pas compris. Non, on a dit qu'on ne venait pas Limoges. C'est pour ça que j'ai dit pardon. Je suis allée vite. Donc Christina, pour faire découvrir plagiste, tu dis sur la plage, il y a des... Donc je me suis plantée. Ça nous fait 4 points, bravo mesdames. C'est très bien déjà. 4 points pour Catriona. Mathieu. Ouais. Allez, ma chérie, je compte sur toi. On fait comme les bleus ce soir, on gagne. Allez, carrément. Il faut faire mieux que 4, voire 4, pour espérer avoir la question. Regarde comme je tremble, je me suis mis la pression de ouf. Ouais, mais là, c'est moi qui tremble maintenant. Donc... Mathieu, t'es prêt? Ouais. Vacher, t'es prêt? Ouais. Top chrono, c'est parti. Alors, c'est le truc que c'est un os qu'on a dans le dos, qui est très long. Le tibia, la colonne verte, vertébrale. Ouais. À quelqu'un, tu peux lui dire ferme ta gueule. Ouais. Bouge. Quand genre il y a une situation dangereuse, il faut partir très vite. Donc t'es en train de courir. Non, mais c'est vraiment le fait de partir. Fuir. Ouais. Michello, c'est un prénom. Espagnol, portugais. Non, pardon, c'est pas du tout ça que je voulais dire. C'est quelque chose d'exceptionnel, donc c'est un peu... Original. Oui. Ouais, putain, t'es trop fort. Merci. Oh là là là. Alors bon, c'est qu'un match nul, mais t'es trop fort. Original, t'es génial, mec, bravo. Égalité. Ouais, merci à toi, en tout cas. T'es un tueur. Putain, honnêtement, original, tu l'as posé là, paf. Ouais, parce que pour dire original, Michello, c'est un prénom. Non, c'est impossible, je suis con. Bah alors, le sort n'est plus entre nos mains, mais entre les mains de Bruno. Attention les amis, Mathieu, Catriona. Celui de vous deux qui trouvera le plus vite le mot que je vais donner partira avec nous à Ibiza. Le mot est extrêmement simple. C'est pour ça que je demande à toute l'équipe de bien vérifier qui va dire en premier le bon mot, d'accord? Si c'est le garçon ou la fille. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Oui. Alors, c'est un personnage de dessin animé. C'est la petite... Sirène. C'est le gars. Mathieu. Ouais. Mathieu, c'est gagné. Ouais. Mathieu, tu pars à Ibiza. Mathieu, tu vas venir fêter la fin de saison de Bruno dans la radio. Mais c'est pas vrai. Ibiza, tu vas venir faire la teuf avec nous. Bon, je te l'annonce parce que... ils nous ont confirmé qu'ils viendraient nous voir. Tu vas rencontrer David Guetta, tu vas rencontrer Martin Solveig. Ouais. Y a The Avener qui vont passer aussi, je crois. Feder. Il y a Feder. On va se faire une bonne teufasse, Mathieu. Je préfère te prévenir. Ouais, merci beaucoup, toute l'équipe. Merci à Vaché. Tu pars avec qui? Je sais pas trop encore. Peut-être un pote, mon frère, je sais pas. Mais c'est toi qui vois. Pas de copine, malheureusement. Là-bas, tu trouveras. Ouais. C'est une question de seconde à Ibiza. Dès l'aéroport. Mathieu, je te fais les bisous, mon pote Catriona. Oui. Ça, mais Mathieu, il peut partir avec moi s'il veut. C'est gênant. Mathieu, vous savez quoi, Mathieu et Catriona, je vous laisse hors antenne. Des fois, on sait jamais. On sait jamais ce qui peut se passer. Ouais. Je pense qu'il avait dû promettre à des potes et donc là, il se dit vous mettez dans la merde. Ouais, ça dépend. Si Catriona lui dit ouais, je suis mannequin, on sait pas ce qui peut se passer. Je vous mets hors antenne tous les deux. Je vous embrasse. C'est énorme. Ça me ferait gollerie, moi. Vraiment.

c'est le 10 juin, 8h48. Il vous reste encore une... Allez, un petit quart d'heure. Pour que ce soir, nous soyons à vos côtés. Main sur le cœur. Pour regarder le match de l'équipe de France de foot face à la Roumanie. On a décidé ça hier. On s'est dit, tiens, tu sais quoi, demain, on part tous avec nos sacs. On met notre petit caleçon, notre paire de chaussettes, notre trousse de toilette. Et on va mater le match de foot chez un auditeur ou une auditrice de Fun Radio. On a appelé ça Bruno dans ton salon. Le hashtag Bruno dans ton salon est en top tweet France depuis 5h20 ce matin. Et vous êtes là plusieurs milliers à avoir tweeté avec ce hashtag. Et ce qui est super excitant, c'est que donc on est tous venus avec nos valises ce matin, sans savoir où on allait partir aujourd'hui après l'émission. Donc là, on va prendre le train ou l'avion, je sais pas, mais c'est hyper excitant. On a une seule contrainte, c'est ce qu'on disait qu'avec Elliot, à 2h du matin, on doit aller mixer dans une boîte qui s'appelle le Loft à Nantes. Exactement. Mais le patron de Fun Radio nous a dit qu'il mettait à disposition les moyens volants. Oui. Pour pouvoir nous amener à Nantes après le match de foot où qu'on se trouve en France. Ouais, mais du coup, il y a beaucoup de gens de Nantes et alentours qui jouent. Ouais, alors du coup, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de gens de Loire-Atlantique qui nous disent bah, du coup, vous êtes à côté, ce serait con de passer à côté du truc. C'est vrai qu'il y a des arguments. Eh ben, en plus, c'est chez moi. Mais il nous faut, il nous faut encore un petit peu de temps pour décider. Voilà, je vous dis, vous avez un appart, c'est pas grave, on commandera des pizzas, on paye les pizzas. On paye tout. Vous avez un jardin, vous avez un barbecue, et bah très bien, on va acheter les saucisses, le charbon, les chipots, les merguez, tout ce qu'il faut, on se fait un barbecue. Oui. On amène de quoi boire, on peut même passer à la boulangerie, acheter le pain. On fait ça, attention, et à la bonne franquette, hein, vraiment. Oui, oui. Mais au moins, on mate le match de foot ensemble chez vous. Et alors, pour vous prouver que c'est vrai, ce qu'on fera, c'est que, bien entendu, ce soir, le match. On va le mater, puis on se verra sur Periscope, sur Facebook, on va faire des lives. Et qui ramène les boules? Les boules? De pétanque. Ah, bah. Il y aura là-bas. Il y aura. On verra. Il y aura des boules. Oui, parce qu'on va être là-bas l'après-midi aussi, peut-être. Suivant où ça se trouve. Enfin bref. Hashtag Bruno dans ton salon. Je sais que ça n'a jamais été fait en radio. Eh bah, qu'à cela ne tienne. On est là pour inventer des trucs. On va venir voir le match de foot chez vous. On va se décider là dans moins d'un quart d'heure sur Fun Radio. Mais pour l'instant, je voudrais que nous reprenions au téléphone Mathieu. Mathieu ? Oui, Bruno ? Mathieu, il a gagné il y a quelques minutes. T'es aux toilettes, Mathieu ? C'est ça le bruit ? Attends, non, je suis en voiture. Je vais m'arrêter. Ah bon, pardon. C'est un bruit de chiotte, on l'avait déjà essayé. Mathieu, il a gagné le voyage à Ibiza tout à l'heure. Il a joué au jeu des 30 secondes. Il a gagné face à Catriona. Et Mathieu, tu sais pas trop avec qui partir. Tu m'as dit peut-être avec mon frère, avec un pote, etc. Et ouais. Catriona a dit, bah moi, et pourquoi tu m'emmènes pas? Et je lui ai dit, vous allez discuter ensemble pendant la pub. Il s'est passé quoi, Mathieu? Eh bien, on a discuté. J'ai récupéré son numéro de téléphone. Et à voir, après, comme je lui ai dit, je lui promets rien. Mais si jamais, pourquoi pas, ça peut peut-être se faire. Mais non, après, je lui promets rien. Ah, oh, c'est génial. Mais alors attends, voilà. Ça dépend de quoi? Ça dépend de sa photo ou ça dépend de quoi? Non, du tout. Ah. C'est surtout, parce qu'après j'ai quand même pas mal de copains qui vont être intéressés, normal. Après, ouais, j'ai mon frère aussi, du coup, à voir. Après, s'ils sont pas dispo, pourquoi pas. Mais, et tu lui as demandé, est-ce que, sois honnête, Jérôme, oui. Mais Mathieu, pourquoi je t'appelle Jérôme? Sois honnête, ouais. est-ce que tu lui as demandé à quoi ressemblait physiquement? Ah non, du tout. D'ailleurs, si vous l'avez toujours, elle peut confirmer. Non, j'ai pas demandé ça. Je suis pas comme ça. Catriona. Oui. Tu ressembles à quoi physiquement? Ben, plutôt pas mal. T'es blonde, brune, t'es grande, t'es petite. Je suis brune, 1m68. Par contre, je suis taxée. Ah, t'es pas célibataire? Non. Et, attends, mais c'est ton mec qui va être content de devoir partir avec un autre gars, c'est bizarre, non? Bah, je pars à Ibiza avec toute l'équipe. Enfin, t'es quand même invité par un autre mec que t'as eu 5 minutes au téléphone. Tu crois qu'il le prendrait bien ou pas? Bah, oui. Ah, il est cool. Bah, il est très très cool. Hein. Et puis au pire, rompre un pack, ça c'est une signature. Hein, c'est vrai en plus. Ouais, et vous savez quoi? Vous êtes extraordinaire. Mais vous me vendez du rêve. C'est la famille. Catriona. Oui. Je t'embrasse. Mathieu. Oui, et Bruno, je peux passer une petite dédicace? Vas-y. Je fais un bonjour à tous les Comminjois et à tous les Balmaniers qui me reconnaîtront. Voilà. Merci. Les Corrajois, les Balmaniers, bien sûr. Au bal, Balmanier. Grave. 8h53, la radio que vous écoutez s'appelle Fun Radio. Bon réveil, la famille. Dans 3 minutes, il y aura le JPI, journal pas en image. C'est le faux journal de l'émission, mais pour l'instant. Hi, this is Rihanna on Fun Radio. Et c'est avec Calvin Harris. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her. But Dans 3 minutes, 9h du matin, c'est Fun Radio. Fun. Le JPI sur Fun Radio. JPI, journal pour une image, faux journal de l'émission, c'est tout de suite la dernière édition. Bonjour, je suis Karina Siamer. Bonjour, je suis Mika Rokia. Et voici l'édition de 8h50 du JPI. Et pour commencer, l'euro. Ah. Euro 2016, ce soir en match d'ouverture, la France affrontera la Roumanie. Et quand l'arbitre lancera la pièce pour le choix du côté du terrain, on ne saurait que trop lui conseiller de la ramasser vite avant les joueurs roumains. Tinder va être interdit aux moins de 18 ans. Anthony Vosovic est parti enquêter. Anthony ? Oui, je suis justement avec un utilisateur de Tinder très déçu. Ah, qui ça ? Jean-Luc Lahaye. Mais c'est pas grave, mon Jean-Luc, tu feras à l'ancienne, devant les écoles. Ouais, vous donnez vraiment de très bons conseils, Anthony. À lundi pour un nouveau reportage. Et pour finir, si vous aimez les rappeurs et la Russie, découvrez Joe Tsar. Voilà, c'est la fin du JPI. Lundi, nous serons lundi. Alors à lundi. On va partir chez qui ? Hashtag Bruno dans ton salon. On a lancé ça ce matin à 6h. Top 8 France depuis 6h du matin. Toute l'équipe de Bruno dans la radio, on est 12. Donc je préfère vous prévenir. 12, il faut un peu de place quand même. Ouais.

Je suis avec elle, une phrase de Barack Obama en soutien à Hillary Clinton. Le président américain a affiché son soutien à la démocrate dans la course à la Maison Blanche face au républicain Donald Trump. Et puis l'établissement français du sang lance un appel toute la semaine prochaine. 300 lieux de collecte vous accueilleront partout en France. Vous retrouvez toutes les infos sur jedonnemonsang.net. Il est 9h03, passez un bon week-end. Fun Radio. Vendredi, c'est le 10 juin, il est 9h04. Vous écoutez Fun Radio. Bonjour. Le son dance floor de Fun Radio pour rentrer de plein pied dans ce vendredi. La semaine d'entrée en mode tough, il y a Dioro qui arrive, il y a Arcade, Dimitri Vegas, Like Mike, Amir ou encore Imani. Et avec toute l'équipe de Bruno dans la radio, nous avons pris une décision ce soir. On est chez vous. C'est ce que j'aime dans cette équipe, c'est ça. L'idée, elle est arrivée quand ? C'est hier après-midi qu'on s'est... Ouais. Exactement. Hier après-midi, on est parti dans un délire, donc discussion de bureau, hein, de ah bah tiens, où est-ce que vous regardez le match demain ? Donc ça, le truc, c'est parti de là. Ensuite, on est parti de bah tiens, ça serait rigolo qu'on le mate ensemble. Et ensuite, il y a Christina qui a enchaîné en disant bah, ça serait rigolo qu'on le mate chez un auditeur. Voilà. Et donc, c'est devenu Bruno dans ton salon. Ça a été un carton sur Twitter ce matin, les gars, vous m'avez vendu du rêve. Je vous jure, je crois qu'on a passé le cap des 20 000 tweets depuis 5h30, c'est un truc de dingo. Avec le hashtag Bruno dans ton salon, sauf que maintenant, il faut qu'on prenne une décision. Alors, je tiens quand même à vous dire, parce qu'on va forcément faire des déçus, puisqu'on va choisir une personne, que ça a tellement cartonné que cette opération, quoi qu'il arrive, on va la refaire. Alors, mais pour si vous êtes d'accord. Pour aller voir quoi ? Ouais. Pour aller voir, même pour prendre l'apéro. Ah d'accord. Moi je suis d'accord pour qu'on le fasse assez souvent. Pour un anniversaire, ça peut être cool. Il y a des gens des fois qui nous invitent à leur anniversaire. Pour un mariage par exemple. Ah ouais, d'accord. Bah, okay. Tout ce qu'il y a, dès qu'il y a de la bouffe gratuite. Donc maintenant, soirée, cette émission, donc on prend les décisions à l'antenne maintenant. On parle plus avant. On est comme ça. Ouais. Très bien. On est même un déménagement, tu vois. Si on y va à tous, ça va être hyper rapide. Si le gars il a 12 meubles, on est 12. Bon, alors du coup, comment s'est faite la sélection, Christian ? Parce que je disais, voilà, on avait un impératif avec Elliot, c'est que ce soir, on doit être à 2h du matin à la discothèque... Le Loft à Nantes. Le Loft à Nantes. Dans le centre. Et alors, je vais être très honnête avec vous, le fait que vous ayez dit ça, on a eu énormément, énormément de tweets de personnes qui habitent Nantes ou les environs ouais, de Nantes. Le Grand Ouest, ouais. Exactement. Et alors, des tweets de gens super motivés. Alors, on en a présélectionné quelques-uns. On vous a demandé des numéros en MP, vous n'avez pas toujours répondu. Donc, on a contacté ceux qui nous ont répondu. Et on en a quelques-uns qui arrivent à l'antenne. Et puis maintenant, il va falloir choisir parmi les derniers. Il y a Mathilde qui montre une photo. C'est quoi la photo ? Pourquoi tu montres ça ? Elle a peur. Dis-moi, c'est quoi ? Ben non, mais explique-moi, je vois la photo. Alors en fait, c'est un auditeur qui participe au jeu aussi. Il s'appelle Pierrick. D'accord. Ouais. Et donc, elle te montre. On l'a en ligne. Très bien. Voilà. Mais non, c'est lui ? Oui, c'est lui. C'est parce qu'il n'a pas le même pseudo. Donc c'est pour ça que je me posais Galco Verratti. Ah, c'est son pseudo de Twitter. En parisien en plus. On l'appelle en direct ? D'accord, très d'accord. Bien. D'accord. Bruno dans la radio. Pierrick. Allô. Ouais, ça va Pierrick? Oui, ça va nickel. Bon, Pierrick, mais le téléphone passe pas bien chez toi? Non, c'est la mort, là, c'est le bureau, quoi. Ah, d'accord. Ah, t'es au bureau. Hein. Alors, dis-moi, t'habites où, Pierrick? À Saint-Hilaire-de-Clisson, je suis à une demi-heure de Nantes et à 10 minutes de Valette. Je connais très très bien. C'est à côté de chez toi ? Ouais, c'est juste à côté de Clisson. D'accord. Voilà, c'est ouais, on y est en une demi-heure de Nantes. Bon, et t'habites où ? Alors dis-moi, c'est quoi ? T'as une maison ? T'as un appart ? C'est quoi ton délire ? Je suis dans la maison de mes parents. Ouais. Et puis du coup, vu comment ils misent la télé, il y a moyen qu'on puisse mater le match du jardin sans problème. D'accord, mais c'est une grande télé ? C'est une petite télé ? Ouais, c'est une grosse télé, ouais. D'accord, très bien. Et tes parents, ils sont d'accord ? Ah. Oui, ils sont d'accord. Oh là, le ah ben je sais pas. Oui, oui. Oh là là. De toute façon, ils n'auront pas le choix. Pierrick. Mais ils savent pas, ils sont sur Paris, eux. Ah d'accord. Ah, c'est genre la maison de campagne de tes parents ? Non, c'est juste que eux, là, ils sont partis sur Paris pour régler quelques trucs et puis voilà. Mais j'en profite. Mais donc, du coup, ils sont pas là ce week-end ? C'est ça. Ah, oh, j'adore. Attends, là, on est sur du projet X, on est d'accord. Ah ouais. Non, mais moi, je pars demain. Je pars pour Marseille. Je vais voir Angleterre-Russie. Mais qui va ranger ? Personne. Parce que Pierrick. Nous, on paye pas le rangement. Pierrick. C'est pas grave, je dormirai pas. Puis avant de prendre l'avion, je vais ranger. Pierrick, t'as un barbecue ? Oui. D'accord, bon. Donc, on peut acheter de la viande. Pierrick, bah, oui, si on vient ce soir, si on vient chez toi, t'auras des potes qui vont venir ou pas? Ouais, ouais, j'ai quelques potes qui peuvent venir. D'accord, ok. Bon, bah écoute, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on y va, non? Allez, on y va. Et bah, on est chez lui. Pierrick, ce soir, on est chez toi. Alors ce soir, voilà, je vous le dis, on est à Saint-Hilaire de Clisson. Yes! Par contre, Pierrick, on va foutre le bordel. T'es pas allergique au feu, par exemple. Tu t'entends comment avec tes voisins, Pierrick? Plutôt bien. Pour l'instant, ouais. Non, sauf un, c'est un gros connard. Ah, d'accord, ok. Bon, bah écoute. Il a pas une carabine. Bon, alors écoute, Pierrick, on regarde pour les billets de train. Ouais. On regarde déjà les trains qui partent, hein, grâce à nos amis de la CGT. Des trains pour Nantes, il y en a quasi toutes les heures. Et donc, on débarque. Alors, de l'équipe, je crois qu'il y a, quasi tout le monde qui vient, sauf Pierre et Rémi, c'est ça? Sauf Pierre, Rémi, Meryl, Anto, puisque du coup, ils gardent notre fille, Aurélien et Amélie. On est 10. Alors, donc, qui vient de l'équipe chez toi, qui se fasse une idée quand même? Il y a Fonf, ouais, le réalisateur, il y a Nicolas du Web, il y a Justine des Infos, Elliot va chez Christina, moi. Il y a la team du JPI. Karina, Mika, tu viens? Oui. Voilà, donc on. Et qui d'autre? Il y a du lourd, quoi. Ouais, ouais, t'inquiète, ouais, ça va le faire. Ouais. T'inquiète, ouais. Bon, on te garde en antenne parce qu'il faut qu'on gère 2-3 trucs. Il faut qu'on trouve une boucherie, il faut qu'on trouve une boulangerie, il faut qu'on. On va gérer. Tous les dos, c'est un supermarché. On achète quoi? Demande la taille de la télé parce que si faut que ça soit, elle soit vraiment grande, quoi. On va aller faire les courses au Leclerc de Clisson, c'est juste à côté. Alors on sera au Leclerc. En dédicace au Leclerc de. J'ai toujours rêvé de dire ça. Oui, Bruno. En dédicace au Leclerc de Clisson. Mais ouais. Ce serait génial qu'il y ait l'animateur du magasin qui dise. Je vous rappelle qu'au rayon des poissons, vous retrouvez Bruno dans la radio et toute l'équipe et les sardines sont à moins 15%. Pierrick, c'est où dans Saint-Hilaire de Clisson ta maison? J'ai pas la dire en antenne. Non, mais c'est pas grand, hein, c'est tout petit Saint-Hilaire de Clisson. Bon, on est à Saint-Hilaire de Clisson, voilà, ce soir on regarde le match de foot. Ça se trouve, il y a des gens qui vont se ramener à Saint-Hilaire de Clisson qui vont nous chercher, genre nous aussi on va venir. Ah, grave, et Pierrick, le jardin il est grand ou pas? Ouais, ça va, mais bon, on va pas non plus se pointer à 20 personnes. Non, mais... ah bah, nous on est déjà 12, hein, donc on pourrait faire une fan zone. Ah bah ouais, grave. Bon, Pierrick. Ouais. À ce soir. Il commence à avoir peur. Tu sens dans sa voix que. Ouais, ouais. Non, ça va, c'est bon. À ce soir, Pierrick. À tout à l'heure. Ciao, ciao. Bisous. C'est énorme quand même. Non, mais là, tu sais, le mec est en panique du coup. Il faut qu'il fasse un peu de ménage aussi. Il a envoyé le tweet en se disant je vais le faire, ça coûte rien. Et puis. Attends, il faut lui dire on est 13. Il y a mon pote Philippe Setter qui est notre agent pour les soirs en boîte qui va venir avec nous aussi. Donc on rajoute une personne. 13 à table. Oh là, merde. Bon, allez, top 3 d'Eliott. Le top 3 d'Eliott. 3, 2, 1. J'adore l'idée. Moi aussi, j'espère que son jardin il est grand là parce qu'il avait l'air paniqué. Hein. Ses parents sont pas au courant. Ouais, ça va être chaud là. Oh, ouais. C'est énorme, les voisins, hein. Il a dit que celui d'en face c'était un yonf. Il y a combien d'habitants à Saint-Hilaire de Clisson? Oh, regardez, c'est vite tout fait. Petit. Regardez un petit coup de Wikipédia. Attends, je regarde. Un petit coup de Wikipédia, le temps qu'on fasse le top 3 d'Eliott. Numéro 3. Numéro 3. Puisqu'on est sur les 3 meilleurs moments de l'émission. On a parlé de l'Euro ce matin, Bruno, à 6h15 par exemple. On s'est dit que quand tu regardes un match de foot, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours un mec qui crie, il y a toujours des gens qui comprennent pas, il y a plein de choses. Donc du coup, vous êtes venus, vous auditeurs, nous parler un peu de tout ça. Et l'équipe aussi, on en a parlé. J'ai fait une petite compilation, écoutez. Éline Palmière qui dit quand tu regardes un match de foot, il y a toujours ce moment où tu vas aux toilettes et c'est là qu'il y a un but. Ah oui, c'est vrai. Il y a Anaïs qui dit quand tu regardes un match de foot, il y a toujours quelqu'un qui comprend rien et qui pose plein de questions. Oui, c'est de ce quelqu'un, c'est ta femme en général. Tu dis mais arrête, je regarde, j'ai pas envie de te répondre. Salut Pierrick. Salut la famille. Je t'écoute. Alors quand tu regardes un match de foot, il y a toujours ta femme qui demande qu'est-ce que c'est un hors-jeu. C'est compliqué à expliquer, on est d'accord. Ouais, c'est chiant à expliquer. Ouais. Parce que t'as le hors-jeu de ligne ou le hors-jeu de position. Salut Bruno, salut la famille. J'écoute. Alors quand il y a un match de foot, il y a toujours un drapeau breton dans les tribunes. Oui, c'est vrai. Ah bah, ça coupe sec. Oui, c'est vrai. Coupé. Ouais, ça fait oui, c'est vrai. Ah mais c'est un problème de liaison, ça captait plus. Il y avait plus de raison. Ouais, oui, c'est pas toi qui a mal coupé ton extrait plutôt. C'est bizarre ça. Merci. Elliot qui ferait une erreur. Vraiment, ouais. Ce serait la première fois que ça arriverait pas en fait. Numéro 2. Numéro 2, Bruno, repartons sur le bon pied, oublions les conneries précédentes et parlons du chiffre du jour si vous le voulez bien. On a appris aujourd'hui que si la France gagnait ce soir, 77% des supporters français auraient plus envie de faire l'amour. On a, j'ai repris plusieurs questions du chiffre du jour que tu as posé ce matin. J'ai fait aussi là une petite compilation. Écoute. 77% des supporters français auront plus envie de faire quelque chose ce soir. C'est quoi d'après toi? Klaxonner en ville, moi je dirais, après le match. Ah, c'est vrai que quand tu klaxonnes, après t'es content. J'aime bien. Surtout, tout le monde sait faire le tut. Il y a toujours un mec pas doué qui essaie de le faire et qui fait un tut. Ça n'existe pas ce rythme. Mathéo, je t'offre un casque Bruno dans la radio, mon pote. C'est pas la réponse que j'attendais. Je te fais des bisous. Merci. 77% à bientôt des Français auront plus envie de faire l'amour. Ah ouais? Mais oui. Ah bah ouais, parce que t'es chaud du coup. Ah ouais. C'est ça, après Griezmann, toi aussi, t'as envie de la mettre au fond. Mon zizi qui s'approche de ma femme qui enlève le pantalon, je m'approche du pantalon et attention, je la mets au fond. Oh oui, c'est un orgasme. Il est chaud, va chier. Numéro 1. Et d'ailleurs, ça s'est confirmé pour le numéro 1. Grave, parce que en gros, vous le savez, on vient voir le match chez vous ce soir. Mais donc, on a eu plein d'auditeurs tout au long de l'émission. Et à 8h, on a eu une nana, en gros, qui nous proposait de venir chez elle. Et Vacher s'est sentie pousser des ailes. Et tu l'as bien repris, Bruno. T'as été très fort, réécoutez. Alors, chez moi, on a une maison avec du jardin, un petit barbecue, un nouveau canapé dans mon salon et une grande table pour 12. Génial. Alors attends, parce que moi je dis on débarque à 12 l'équipe, mais suivant chez qui et l'auditeur chez qui on part, si vous avez des potes ou de la famille, vous pouvez les inviter. Il y a qui chez toi par exemple ce soir? Alors chez moi déjà il y aura mon chéri et après je vais voir avec des copains, des copines et mon bébé. Hey, ça peut toujours faire rire. Stop, alerte, mon stop. Chéri, mon bébé, puis ça va, quand on sert à quoi. Non. Les amis, c'est Bruno dans ton salon, pas Bruno dans ton cul. Vacher, excuse-moi de tomber. Excuse-moi, il y a eu mésentente. Il y a eu mésentente voilà. Dès le début. Il y a eu Maldon. T'as pas compris la démarche non, de l'opération. Absolument pas. Je me retire de cet événement. C'est extraordinaire, l'autre. Il est en train de chiner en direct depuis 6h du matin. Mais non. Bon, les amis, ce soir, on sera donc chez Pierrick. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, ouais. facebook.com/Bruno dans la radio. On fera du Facebook live. Oui, Elliot. J'ai demandé l'adresse, ça y est, j'ai un Google Map de la maison, là, si vous voulez venir voir, c'est pas mal. Dans le jardin, fais voir. C'est dans un lotissement et tout, on est au top. Combien d'habitants à. 2000 à Plisson, Saint-Hilaire de Clisson. Saint-Hilaire de Clisson. Pierrick, t'es toujours là? Oui. T'as ce qu'il faut en charbon ou faut qu'on achète du charbon aussi? Normalement, ça va être bon, ça. Ouais, bon, je vais prendre quand même le charbon au cas où. On va faire la liste de courses avec toi, là. On va te rappeler hors antenne, d'accord? Ok, pas de souci. C'est quelqu'un qui m'a demandé ça. Moi, je m'en fous totalement, mais c'est quelqu'un qui m'a demandé ça. Est-ce que t'invites des potes hommes ou il y a aussi des potes femmes? C'est quelqu'un qui m'a demandé ça. Bah, vu que c'est des footeux, ça sera quasiment que des mecs. Ok, ouais. Ah ouais. Bon, mais le quelqu'un qui me l'a demandé, il va être déçu, quoi. Tant pis pour lui. Non, hein. Mais t'es chaud, vache. Mais c'est le quelqu'un, je peux pas dire son nom. Pierrick! Oui. Tu fais quoi dans la vie? Je suis technicien télécom. Technicien télécom, très bien. Bon, on débarque chez toi. Et t'as une bonne connexion Wi-Fi du coup chez toi? Ouais. Bon, très bien. On est chez toi ce soir à Saint-Hilaire de Clisson dans le 44. Génial. Et après, avec tes potes de foot, on les amène avec nous à la boîte, là, au loft où on fait une soirée, d'accord? Certains pourront suivre, peut-être d'autres pas par contre. Tu vas pas nous faire chier, on t'invite gratos! On t'embrasse, Pierrick. Ok, gros bisous. À tout à l'heure. Et j'espère que c'est pas le relou, genre. Par contre, tapez pas des pieds parce que le voisin du dessous, il aime pas. Et par contre, vous partez tôt, hein, parce que. Oh là là. Non, on va être bien. Moi, ouais, le seul truc, je me dis, ses parents sont pas en courant, c'est ça qui me fait marrer. Écoute, on verra. On va être bien. Vomira dans son jardin. Bon, vous faites quoi ce week-end, Christine, à part ce soir? Du coup, non, c'est tout. Hein. Ça va être ça, mon week-end. Hein. Vacher. Je sors avec vous ce soir et je décuve les deux jours restants. C'est ça. Même principe que Vacher. J'hiberne le samedi et dimanche. Ah et ouais, on va être mort demain. Et toi, Bruno? Moi, j'ai ça ce soir. Mais dimanche matin, tu sais, je suis parrain d'une association qui s'appelle Tout le monde contre le cancer. Et dimanche matin, on a plus de 300 enfants malades qu'on fait venir de toute la France avec leurs parents, leurs frères et sœurs, et on leur privatise Disneyland Paris. Ah, c'est super. C'est cool, ça. Et du coup j'anime. Ah, c'est canon. Je vais animer un petit concert avec les gens de The Voice et tout ça. Ouais, je suis content. Bon, le châtelain. Enfin, je dis ça si je suis encore en vie, hein, parce que j'ai une pointe à l'endroit. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. Je suis tombé en scooter il y a 10 jours. Oui. Ça allait mieux. Lundi, j'ai fait Fort Boyard et je me suis recogné au même endroit. Et là, depuis, j'ai une douleur sous la côte côté droit.